Voilà, en tout cas, salut, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission de complément d'objet direct, dont vous avez effectivement le sujet ici, juste à l'antenne. Anonymous contre Sony, Revengeance, en hommage, bien entendu, voilà, en hommage à un jeu qui va sortir et dont le titre est en partie Revengeance, vous l'aurez compris. Je salue bien entendu tous les membres du chat et je salue également mon partenaire, Pedro Robert, qui est là. Salut, Pedro Robert. Bonsoir. Et je salue aussi la biche qui est avec nous. Salut la biche. En tout cas, voilà. Donc la biche, est-ce que ton... Voilà. En tout cas, voilà. Donc la biche vous a peut-être salué. Nous allons donc nous intéresser à Anonymous contre Sony. Vous connaissez peut-être, voilà, vous connaissez peut-être un peu leurs antécédents. Je ne sais pas si, Pedro Robert, tu peux justement nous faire un petit topo. Sur Anonymous, bah c'est toute Voilà, une exactement. histoire. Oui. Bah En quelques mots, oui. c'est un groupe qui lance des, enfin, récemment on lance des attaques. C'est un groupe un peu nébuleux, on va dire, qui s'est formé Oui. historiquement. Il me semble qu'il vient de 4chan. C'est un groupe qui D'accord. était donc un site très controversé aussi, car il est Oui. très satirique, on va dire, pour faire simple. Oui. En Oui. fait, c'est principe. Enfin, évidemment, on ne sait pas exactement qui sont les membres, vu qu'ils sont anonymes. Mais c'est le nom Anonymous vient en fait D'accord. de ce message board où on peut poster des messages sans s'inscrire et s'inscrit comme nom d'utilisateur Anonymous. D'accord. En tout cas, et effectivement, et par rapport à, on va dire, à l'historique Sony contre Anonymous, est-ce que, donc la biche, hein, si tu es avec nous, est-ce que la biche, toi, tu pourrais effectivement nous, ben, nous retracer un peu l'histoire, cette histoire un peu, et revenir sur certains éléments du passé, le passé commun entre Sony et Anonymous? Alors, déjà bonjour à tous. Je m'étais pas rendu compte en fait que j'étais le premier Oui, casseur bonjour, en salut la fait. biche. Merci, bonjour. Donc en fait oui, disons que j'ai suivi ça d'un œil assez distrait durant les attaques du PSN. Oui. Globalement, disons Le genre. PSN, donc le PlayStation Network, Oui voilà, le voilà, PlayStation pour Network. revenir dessus, donc le réseau de Sony qui a donc été attaqué par les Anonymous, c'était il y a environ 6 mois, 6 ou 7 mois. Oui, par là, dans ces eaux-là. Et donc des données avaient été subutilisées, des données privées des utilisateurs, par rapport donc à cette intrusion qui ne touchait pas seulement hein, le PlayStation Network, mais qui touchait aussi d'autres services en ligne de Sony. Je pense notamment au service qui gère le MMO EverQuest. Donc voilà. Donc par rapport à cette attaque, Sony a décidé en fait de fermer tous ses services en ligne pour une voilà pour près du pour à peu près une trentaine de jours, c'est ça? C'est exact, oui. Par contre, Et là, donc ouais, vas-y. forcément cette histoire avait fait beaucoup de bruit à l'époque, bien entendu, puisqu'effectivement donc le PlayStation Network, même si c'est un service, on va dire, gratuit pour l'utilisateur, hein, c'est un manque à gagner déjà pour les éditeurs, pour les développeurs, simplement pour les joueurs qui voudraient jouer en ligne, d'accord? Même si ils ne paient pas, comme sur Xbox Live, un abonnement mensuel, mais voilà, il y a quand même effectivement une certaine frustration que l'on peut comprendre. Et donc, bah, ça a été un énorme coup d'éclat de Anonymous, finalement. Les données qu'ils avaient subtilisées n'ont finalement pas été réutilisées, en tout cas jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu trace, ou en tout cas nous n'avons pas eu d'écho par rapport à cela. Et cette affaire, donc ce hacking, cette, comment dire, cette pénétration des réseaux de Sony qui a entraîné donc la fermeture, bah, simplement juste hein, pour pallier toutes les failles de sécurité, a bien entendu apporté une lumière immense sur Anonymous et finalement a aussi créé une sorte comment dire, une sorte de monstre que tout le monde craint. Effectivement, Anonymous, puisque anonyme aussi, c'est ça aussi qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas qui ils sont. On sait vaguement ce qu'ils veulent représenter, c'est-à-dire la liberté sur Internet, etc. etc. Et puis finalement, voilà, bah, tout le monde s'est mis aussi à craindre Anonymous. Et donc, bah, tu peux poursuivre la biche, justement, si tu voulais poursuivre à ce niveau-là. Oui, enfin, je voulais juste dire en fait que c'est vrai que Sony avait fait des erreurs par rapport au niveau de sécurité du PSN et des autres services. Maintenant, Oui. est-ce que Anonymous peut représenter une réelle menace pour Sony aujourd'hui? Parce que je pense que depuis le temps, ils ont dû revoir leur système de sécurité. Et évidemment, tout n'est pas impénétrable. Mais je pense D'accord. que Sony, enfin, a dû mettre des choses en place pour pouvoir pallier à une éventuelle attaque. Enfin, j'espère pour eux en tout cas. Ben justement, donc par rapport en fait à cette donc par rapport à la première attaque hein, d'Anonymous, et salut aussi donc à Zonkyo qui est sur le chat, et salut également à tous les membres du chat, hein. Donc par rapport effectivement à Anonymous et à Sony, donc est-ce que justement, Pedro Robert, tu peux nous rappeler la raison de la première attaque, enfin quand je dis la première attaque, de l'attaque du PSN contre Sony, c'était effectivement motivé par quoi spécifiquement? Bah, tout d'abord, je vais revenir sur l'attaque en elle-même, parce que ça s'est passé en deux temps, si les gens ne Oui. se souviennent pas. D'abord, il y a Oui. eu une période où ils ont fait une attaque DOS sur le PSN, D'accord. donc, qui l'a rendu inaccessible 24 ou 48 heures, je sais plus, enfin une petite période de temps. Donc c'est une attaque Ouais. DOS, c'est une surcharge des serveurs. Ouais. Si tu veux, enfin, je sais pas si tu es coutumier des termes. Et suite à cette attaque, il y a eu effectivement l'histoire du vol de données que Anonymous, entre guillemets, nie avoir commis. Exactement. Et mais dans tous les cas, quand je parlais justement de motivation, c'est qu'il faisait ça pour qui? Enfin, je sais pas, pour le compte Bah, des c'est la Irakiens, pour motivation, le, enfin, c'était une pour quoi? réaction au. C'était une réaction aux poursuites judiciaires de Sony face à Geohot qui avait cassé Exactement. leur sécurité. Voilà, exactement. C'est qu'effectivement, Et là un encore, hacker avait là encore, effectivement, donc un c'est une hacker deuxième réaction. du nom de Geohot avait effectivement. On va dire jouer un peu avec, avec tous les outils de Sony. Un groupe s'était levé, c'était donc Anonymous, d'accord, qui avait commis là ce que nous venons d'expliquer, ben depuis et pendant quelques minutes. Aujourd'hui, on parle donc de SOPA, Anonymous contre Sony Revengeance. On vous avait vu dans le texte d'introduction, SOPA, c'est tout simplement une loi, d'accord, une loi qui actuellement est discutée aux États-Unis, d'accord. Et qui a le soutien justement de nombreuses entreprises. Et cette loi permettrait tout simplement aux entreprises déjà, hein, qui, ben, enfin bon, qu'importe. C'est une loi en fait qui permettrait aux grosses entreprises, aux majors, de pouvoir directement, enfin, d'avoir le pouvoir de supprimer des sites internet, d'avoir le pouvoir de supprimer des informations en direct. D'accord? Si effectivement ces comment dire, les informations diffusées par le site ou bien le site en lui-même effectivement a un caractère comment dire, enfin en tout cas irait aux encontres hein, des intérêts commerciaux de ce que voilà cette major ou cette entreprise produit. Grosso modo, voilà, c'est un peu l'idée. Ouais, En tout il y cas, a une règle. c'est vraiment déjà le pouvoir voilà ben, de suppression. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez c'est peut-être l'élément le plus marquant dans cette loi que l'on appelle donc SOPA, SOPA. Vas-y, tu peux poursuivre, Pedro Ouais, Bert. une petite rectification. Les ayants droit n'ont pas le pouvoir de fermer un site. Ils doivent passer par une demande en justice Voilà, qui peut leur être exactement. accordée. Voilà, exactement. Mais en tout cas, Ce n'est voilà, pas eux qui appuient c'est. sur un bouton et qui ferment le site. Voilà, mais en tout cas, bah donc c'est un peu l'idée. Et étant donné que plusieurs entreprises hein, ont signé cet accord, vous pourrez le voir dans le texte d'introduction, puisque tous les liens, enfin, en tout cas, les liens surlignés en rouge dans le texte sont cliquables et vont vous mener donc vers ces documents. Et le truc, c'est qu'effectivement, donc Anonymous a décidé une nouvelle fois donc de se réveiller, sachant qu'on avait un peu parlé d'eux, mais c'était pas vraiment un épisode numéro 2. Mais là, éventuellement, Anonymous est en train justement d'annoncer un grand retour, un retour fracassant. Et l'une des entreprises hein, visées, c'est bah, tout simplement Sony, puisque Sony a posé son nom. Donc Sony Entertainment, Sony Music, Sony, enfin, Sony Film, etc. ont effectivement donc à poser le nom de ces entreprises sur. Enfin voilà, en tout cas, se sont portés un peu en support de cette loi, tout comme d'autres entreprises, etc. Plein plein d'autres. Alors maintenant nous allons commencer hein, par les réactions donc des forumers vis-à-vis donc de cette information, cette news, d'accord, est consécutive donc à la vidéo qu'a balancé le groupe Anonymous sur YouTube, vidéo dont nous vous avons en fait retranscrit les propos en début d'émission. Première réaction donc, et je vais vous annoncer tout de suite hein, que ce sera très centré Gameblog, d'accord, même exclusivement centré Gameblog. Donc je salue hein, bien entendu les forumers hein, de ce site, dont Pédorbert notamment, et donc c'est parti. Alors, nous avons en premier Guéric, donc gameblog.fr, hein, qui nous demande et qui nous dit, on peut savoir pourquoi ils ont Sony en ligne de mire? Parce que ce sont de méchants capitalistes, pas comme les philanthropes que sont Nintendo ou Apple. Effectivement, donc dans l'idée et dans cette vidéo, Sony a été effectivement nommé. D'accord. Même s'il y a plusieurs autres entreprises, hein, comme nous l'avons dit, qui sont effectivement, on va pas dire signataires, mais en tout cas qui se portent, voilà, enfin oui, qui se portent en soutien tout simplement de cette loi, qui appuient effectivement, qui font pression, d'accord, pour que cette loi soit validée. Et, Sony a été explicitement cité sur une, on va dire, sur plus d'une cinquantaine de noms. Il y a eu d'autres noms qui ont été cités, d'accord. On peut notamment penser, voilà, même si voilà, ça pourra faire rire certains, mais il y a effectivement Justin Bieber qui va être attaqué, il y a, je crois, Lady Gaga ou des choses comme ça, etc., voilà, qui ont été aussi nommés et qui vont être attaqués donc par Anonymous, par quelque moyen que ce soit. C'est Maintenant, terrible. ce qu'il faut savoir, voilà, bah, enfin, en tout cas, voilà. Et pour répondre donc à cette question, on peut savoir pourquoi est-ce que Sony a été nommé, voilà. Pourquoi Sony? Donc la question que pose Guéric, est-ce que c'est celle de bah, simplement d'un coup de pub? Ou est-ce que Sony, parce que Sony, je sais pas, dirige enfin, à la fois un pied dans le jeu vidéo à travers la marque PlayStation, un pied dans le cinéma, d'accord? Un pied dans la musique, mais c'est même plus qu'un pied, hein, c'est carrément voilà, les deux pieds dans chacun de ces domaines, c'est vraiment un acteur majeur ben voilà, ben de chacun de ces domaines. Donc on parlait de cinéma, de jeux vidéo, de musique, et c'est peut-être spécifiquement le genre de contenu que vise cette loi, d'accord? Quand on parle bien entendu de contenu, puisqu'en fait cette loi, hein, la SOPA, a tout simplement, enfin SOPA est un anagramme, et l'objectif de la SOPA, c'est de créer une loi pour lutter efficacement contre le piratage. Et quand on parle de piratage, on pense forcément à la musique, au film et aux jeux vidéo, en tout premier. Et Sony est un acteur majeur de ces trois-là. Donc, est-ce que c'est parce que Sony, finalement, allait certainement, était peut-être le premier bénéficiaire de cette loi, que Sony a été nommé par Anonymous? Ou est-ce que c'est simplement l'envie de faire un coup de pub et de se dire, bon, bah, c'est vrai que finalement, le duo Anonymous-Sony, c'est un peu comme Bud Spencer et Terence Hill, mais du 21e siècle. La biche ou bien Pédorbert. Bah, je peux répondre. Vas-y, honneur aux aînés. Bah, je pense qu'ils sont dans une démarche Acronyme, oui. Acronyme, pas anagramme. Acronyme. Vas-y, vas-y, Pédorbert, oui. d'acronyme, oui. En fait, comme effectivement ils ont déjà eu un passif avec Sony, ils sont dans le. Pour eux, c'est la meilleure façon d'obtenir une couverture médiatique, puisque on a déjà beaucoup parlé de l'histoire avec Sony. Oui. Et eux d'annoncer qu'ils vont réattaquer cette boîte, ça a plus de poids que s'ils disaient qu'ils allaient attaquer, je ne sais pas, Universal ou d'autres boîtes. Ouais. La preuve, c'est qu'on est là en train d'en parler ce soir. Tout à fait, Et un autre élément, je pense que ça, tout simplement, ça les fait marrer d'avoir une tête de turc et de taper dessus, quoi. ouais. ouais. C'est surtout D'accord. ça. Non, mais c'est Et surtout donc parce que. toi, la biche par rapport à toi, oui. Bah, je suis à peu près d'accord, c'est surtout aussi que Sony ne jouit pas d'une image assez reluisante, on va dire. C'est-à-dire que voilà, ils ont toujours été en quelque sorte dans le milieu, et en particulièrement dans le milieu du jeu vidéo, une sorte de tête de turc finalement. Oui. Puis même, je veux dire, rebondir Oui. sur toute l'histoire qu'a généré le PSN, remettre Sony sur le tapis, vu qu'ils ont été victimes il y a quelques mois d'attaques d'Anonymous, bah, je pense que c'est aussi un Oui. moyen de surfer sur. Bah, de surfer sur cette vague-là et de pouvoir rebondir et ainsi générer beaucoup plus de buzz que ça l'a été il y a 6 mois. Enfin, je pense vraiment que c'est surtout pour élargir en fait, comment dire, pour donner plus d'impact en fait et de légitimité à Anonymous vu ce qui s'est passé avec le PSN il y a quelques mois. Je pense qu'il fallait mieux Et rebondir bon, sur Sony que sur un autre. Ouais, mais d'accord, je sais pas mais s'ils ont vraiment un département marketing qui pense qui attaquer, je pense que c'est beaucoup plus de l'ordre du réflexe qu'autre chose, quoi. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, bah voilà. Moi, je pense que la réponse à Guéric est tout simplement, voilà, est assez pertinente, intéressante. Alors, on va maintenant passer, et comme je dis, il y a un lien cliquable toujours, voilà, vous avez ça, vous cliquez, vous arrivez donc directement sur le poste d'origine, donc le poste de notre ami Guéric. Alors, ensuite, autre commentaire, toujours hein, sur gameblog.fr, commentaire donc de 4N701N3.L35P1N3, qui nous dit, bref, eux, ils veulent pirater en paix, soit, mais qu'ils laissent ceux qui jouent jouer en paix. Lutter pour ne pas être dérangé en dérangeant d'autres personnes qui n'ont rien demandé, c'est un paradoxe amusant. Alors effectivement, par rapport à ça, c'est que ce que craignent éventuellement, et c'est pour ça aussi que nous sommes là pour en parler, c'est que ce que craignent les joueurs, éventuellement, c'est que le PSN soit une nouvelle fois fermé. C'est-à-dire que, quelle que soit l'action de Anonymous, d'accord, que cette action éventuellement entraîne aussi, comme on a pu le voir hein, avec le PSN, une solution de repli, d'accord, de la part de Sony, qui est de dire bon finalement on va effectivement bah, couper les vannes. Bon après c'était éventuellement donc le PSN ou les autres services en ligne, donc notamment je parlais du MMO EverQuest, et c'est peut-être effectivement ce qui nous amène à ça. Alors comme il dit donc amusant ce paradoxe, déranger pour ne pas être dérangé, etc. Par rapport à ça, ce qu'il faut préciser, c'est que, et ça, je ne sais pas justement si Pedrobert ou Labiche étaient au courant, c'est que Sony a d'abord été signataire des trois, enfin dans le sens comme j'expliquais, hein, Sony Music, Sony Cinéma et Sony Jeux Vidéo, ont tous les trois, enfin qui sont effectivement donc des entités séparées, d'accord, qui parlent en leur nom propre, d'accord, qui ne parlent pas forcément au nom de, voilà, mais qui sont présentes chacune, voilà, par elles-mêmes, se sont d'abord donc porté en soutien donc de cette loi, d'accord, de ce projet de loi, dirons-nous, et Sony Jeux Vidéo, d'accord, donc tout ce qui est la marque PlayStation et ce que vous connaissez très bien certainement, a tout simplement fait marche arrière. Et aujourd'hui, le nom de Sony Jeux Vidéo Entertainment, ou je ne sais quoi, n'apparaît plus dans la liste, d'accord. Donc techniquement, et mais même si effectivement Sony Music et Sony Cinéma sont eux toujours présents. Donc l'idée, c'était que est-ce que finalement Anonymous considère que Sony est hypocrite, puisque même si chaque entreprise parle en son nom propre, finalement elles sont quand même toutes hein, sous le sous comment dire, elles sont toutes voilà dans le même chapeau, qui est tout simplement dans la même maison, qui est la maison de Sony. Et donc la question c'est que est-ce que Anonymous finalement considère que Sony est hypocrite et que finalement Sony doit être attaqué dans son intégralité? Ou est-ce que véritablement par ce retrait, Sony section PlayStation sera vraiment protégée? Bah, ils ont publié un rectificatif ou une précision. Ils ont dit ne pas vouloir attaquer le PSN en lui-même. Mais Sony section jeux vidéo, effectivement, s'est retiré. Mais bon, ils n'en pensent pas moins, je pense. Hein. Ils savent, la loi n'a pas besoin de Sony jeux vidéo pour passer. Hein. Ils savent très bien que ça va pas changer grand-chose. Ouais, Donc, tout à fait. ils préfèrent se retirer et puis pas tenter le diable, on va dire qu'ils sortent d'une mauvaise passe. Mais Ouais. pour eux, c'est plus sage de se retirer. Et ils ne se sont pas non plus prononcés contre la loi, hein, de toute façon. De toute façon, c'est pas Ouais, ils tout à ont fait fait. leur part, Mais je c'est pense, vrai pour éviter. que l'abîche, vas-y. Non, c'est juste pour dire que il est plus favorable pour Sony d'éviter un nouveau scandale sur le PSN plutôt que d'en réitérer un second. Donc le choix de se retirer de la liste, ça me paraît pertinent. Même si Sony Music et Sony Pictures sont toujours sur la ligne de mire. J'imagine que même si Sony Computer Entertainment, enfin la section jeux vidéo s'est retirée de la liste, je ne pense pas que qu'il fa... enfin je pense pas qu'Anonymous ne prenne ça réellement en compte. Honnêtement, je pense vraiment que dans la tête de dirigeants de Sony, je pense qu'ils veulent vraiment éviter un nouveau scandale sur le PSN parce que je pense comment dire, on peut perdre la fidélité on peut regagner la fidélité des joueurs une fois, mais pas deux fois. Donc ça me paraît pertinent. Oui, sachant en plus que à la suite hein, de cette intrusion et sur le PSN, de ce vol de données, comme je dis, hein, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas eu de conséquences, n'a pas eu vraiment enfin, je parle de conséquences graves, hein, d'accord. Donc par rapport à ça, effectivement, Sony a annoncé en plus par la suite que les gens justement avaient redécouvert le PSN, c'est que ça a fait d'une publicité entre guillemets positive pour le PSN et que des gens finalement et s'étaient de plus en plus connectés. Parce que bah, finalement, c'est vrai que voilà, c'était quand même une publicité, puisque je rappelle hein, que ce fait, hein, cette fermeture du PSN pendant une trentaine de jours, a été relayée par vraiment mais tous les médias, et pas seulement jeux vidéo. Hein. Quand je dis tous les médias, c'est les médias généralistes. On a pu voir ça dans les guignols de l'info, on a pu voir ça dans des journaux, je sais pas, type Le Figaro, ce genre de choses, quoi. Donc c'était vraiment un événement dont on a beaucoup parlé, mais justement hein, par rapport à ce Sony jeux vidéo. Et ce retrait hein, de Sony section jeux vidéo donc de la liste et donc voilà des soutiens de ce projet de loi, est-ce que finalement c'est pas l'idée hein, c'est pas dans l'idée se dire finalement les commentaires comment dire les consommateurs qui l'ouvrent le plus et le plus facilement ce sont éventuellement les joueurs beaucoup plus que je sais pas les mecs qui je sais pas qui ont effectivement oui enfin qui apprécient la musique ou qui apprécient le cinéma. Est-ce que justement il n'y a pas des sites, enfin comment dire, est-ce que justement les sites de jeux vidéo ne sont pas beaucoup plus centralisateurs, d'accord, que justement les sites de cinéma ou de, enfin quand je dis centralisateurs, c'est-à-dire que ce sont vraiment des carrefours, je pense à un site par exemple comme jeuxvideo.com ou comme je sais pas en équivalent je sais pas IGN, ce sont des sites énormissimes. D'accord? Ou peut-être éventuellement Game Trailer, d'accord? Ce sont des sites énormissimes qui rassemblent une très très très grande partie de la communauté. Et le fait en fait que toutes ces personnes puissent se rejoindre au même endroit, voilà, beaucoup plus, je dis bien, et c'est la question que je pose, hein, beaucoup plus que pour la musique ou que pour les films, est-ce que justement c'est pas ça qui fait qu'au final, ça crée des scandales qui débordent, comme je l'expliquais, hein? Sur les médias, enfin, qui débordent, pardon, jusque dans les médias généralistes. Parce que justement, c'est pas se dire, on va essayer en fait de se retirer parce que ces mecs-là, quand ils gueulent, ça s'entend, d'une certaine façon. Bah, on a surtout entendu parler du PSN quand il y a eu un vol de volets, un vol de données, pardon. Ouais. Quand il était par terre inaccessible une semaine avant sous une attaque DOS, on n'en entendait pas parler. Hein. Ouais, d'accord. Je sais plus où j'ai. C'était la deuxième plus gros. C'est le deuxième plus gros vol de données, je crois, l'histoire informatique. Donc c'est quand même. Tout à fait, ouais, Ça va tout à fait, ouais. au-delà du problème. Enfin, du secteur du jeu vidéo, c'est pas. Il s'est trouvé que ça s'est passé dans une entreprise qui fait du jeu vidéo, mais ils en auraient parlé, quelle que soit la boîte. Puis même, il y a eu aussi des interventions externes venant de, si je me trompe pas, du FBI, il me semble, qui était intervenu à ce niveau-là. Enfin, je sais plus si c'est de l'FBI, mais en tout cas Ouais. un organisme judiciaire qui quand même qui a pas mal de poids. Donc, je pense que à partir du moment où on Ouais. fait intervenir ce genre de structure, bah forcément, ça fait parler. Et du coup, c'est assez juteux pour les médias généralistes de mettre ça en avant. Puis, comme l'a dit Pedro Beer, c'est quand même une attaque, enfin, une des plus grosses attaques de ces 2 dernières décennies, il me semble. Je veux dire, ça remonte à pas mal de temps, une attaque de ce genre-là. Puis, en plus, des vols de Ouais. données personnelles, bon, évidemment, ça ne peut qu'attirer les médias généralistes. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit les cris des joueurs qui aient alerté ces médias-là. Enfin, je pense que s'il n'y avait pas eu de vol ou qu'il n'y avait pas eu de réel impact à travers les informations personnelles des utilisateurs, je suis pas sûr que les médias auraient relayé cette info. D'accord. En tout cas, voilà, je te remercie, je vous remercie, hein, Pedro Robert et La Biche pour cette réponse donc à 4N701N3.L35P1 N3 de Gameblog. Je vous rappelle toujours que les liens sont cliquables, vous pouvez voir le post dans son contexte d'origine, etc., etc. Donc il n'y a vraiment pas de souci dessus. Alors donc nouveau commentaire, hein, celui de Adam Jensen, toujours Gameblog.fr, d'accord. Adam donc qui nous dit en attendant, au nom d'une certaine liberté et pour l'amour de la rébellion. Ils finissent toujours plus ou moins par me casser les couilles à moi. Donc effectivement, coupure des PSN, etc. Et là, pour le coup, j'ai du mal à les voir comme des alliés. D'accord? Et ça, je souligne. S'ils étaient compétents, ils mettraient tout leur talent en œuvre pour nous pondre des outils permettant de contourner la loi ou je ne sais quoi d'autre. Enfin bref, on verra comment les choses tournent, mais j'ai la désagréable impression que ça va encore nous retomber sur la gueule. Alors qu'en toute honnêteté, la moitié d'entre nous ne sait même pas ce qu'est réellement cette loi que l'on appelle donc la SOPA. Alors bah c'est effectivement ce qu'il raconte, c'est que donc on évoquait hein, tout, précédemment le retrait de Sony section jeux vidéo, le correctif qu'a évoqué Pedro Robert de Anonymous en indiquant qu'il n'attaquerait pas le PSN, les joueurs ne seraient pas guaqués, voilà pour utiliser un terme à la mode, que voilà les joueurs n'en souffriraient pas, en tout cas dans un premier temps. Et ce que dit Adam Jensen, c'est qu'il y a toujours une voix qui va, enfin c'est que ça va générer en fait du chaos et que dès l'instant où et enfin comment dire, j'allierai en fait je parlerai de loi de Murphy d'une certaine façon, c'est-à-dire que ça va forcément effectivement quel que soit le chemin qu'ils emprunteront, le consommateur, l'utilisateur lambda, d'accord, celui qui en paiera toujours le prix. Donc est-ce que justement vous arrivez Pedro Robert ou et la biche à justement entrevoir quel pourrait, enfin par quel moyen effectivement l'utilisateur moyen pourrait éventuellement avoir à, enfin voilà, donc souffrir de cette action envisagée par Anonymous. Et ensuite nous allons décrire l'action envisagée par Anonymous. C'est difficile à dire parce que tout le monde peut se revendiquer d'Anonymous, donc s'il prend par la tête à quelqu'un d'attaquer le PSN, bien qu'ils aient déclaré sans avoir de représentant officiel ne pas vouloir le faire, Oui. c'est un peu le chaos quoi. Enfin, il va arriver ce qui va arriver quoi. Non, mais ça pénalisera toujours les joueurs de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Je veux dire, comme le dit Adam Jensen, là pour le coup, j'ai du mal à les voir comme des alliés. Et je le rejoins totalement parce que bon, disons que bon, c'est vrai que Sony a signé pour la SOPA. C'est une loi qui peut effectivement déranger pas mal de personnes. Mais voilà, je veux dire, est-ce que c'est une raison de priver les joueurs de jeu, enfin de leur plaisir? Ça me fait un petit peu penser, bon, même si ce n'est pas trop le même rapport, aux grèves Oui. SNCF finalement qui pénalisent bah, les personnes comme vous et moi. Et des fois, c'est surtout en général pour des revendications qui sont assez minimes. Et donc du coup, là, bon, je sais que l'exemple n'est pas pertinent, mais c'était juste pour donner un comparatif. C'est vrai que c'est un bien pour un mal. Aux yeux d'Anonymous, c'est sûrement une action qui leur paraît noble, mais finalement, ça pénalise beaucoup plus les utilisateurs plutôt que les signataires de cette loi. Donc, je suis pas sûr que ça soit vraiment la solution idéale pour pouvoir. Je suis pas sûr qu'ils attirent vraiment les comment dire. Je suis pas sûr vraiment que c'est une action qui serait favorable aux joueurs. Mais c'est vrai que par rapport, hein, puisque on parlait donc au départ, bien entendu, des liens qui ont été, qui, voilà, du lien qui a pu être fait entre, qui peut être fait entre Anonymous et Sony, concernant justement, voilà, les histoires de, voilà, de failles sur le PSN, etc. Finalement, cette action, en tout cas, je parle, hein, juste comme ça, je constatais simplement que cette action n'avait pas été considérée comme populaire. Déjà, premièrement, parce que effectivement, comment dire, parce qu'effectivement, il y avait vol de données. Donc, effectivement, si vous avez déjà entré vos données bancaires ou quoi que ce soit sur le PSN, bien entendu que, voilà, vous allez être, enfin, vous êtes en ligne de mire, puisque ça fait aussi partie du titre. Mais dans l'idée, effectivement, c'était pas populaire, même si Anonymous parlait effectivement de la liberté de pouvoir jouir de je ne sais quoi, je ne sais quoi. Cette notion de liberté n'avait pas, enfin en tout cas moi je dis juste hein, par simple constatation, c'est pas un sondage, c'est pas, voilà, je n'ai pas demandé aux gens de voter quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'effectivement déjà c'était déjà assez, voilà, c'était déjà assez mal vu, alors que à l'origine justement, ben, puisqu'on parle de GeoHot, puisqu'on parlait donc de la personne qui était parvenue en fait à craquer la PlayStation 3, c'est-à-dire à pouvoir un peu faire fonctionner les programmes qu'elle voulait sur la PS3, dans l'idée c'était quelque chose qui était favorable aux joueurs directement, enfin quand je dis directement, même si tout le monde n'a pas vocation à pirater sa console. C'est en tout cas quelque chose, voilà, bah, qui permettait de dire, bon ben bah, voilà, finalement vous allez pouvoir jouir du matériel que vous avez acheté, mais vous allez pouvoir en jouir pleinement. Et là, finalement, c'est quelque chose de, comment dire, de beaucoup, moins visible et de beaucoup moins appréhendable directement. Donc à partir de là, on devait aussi certainement s'attendre à ce que les gens ne comprennent pas éventuellement la portée de leur action. Donc voilà, je sais pas si la biche, tu vois à peu près ce que je veux dire. Dans Ou leur bien film Pédrombert, d'action, de bien toute sûr. façon, il y a toujours des gens lésés, parce qu'ils font des attaques, des cyberattaques, donc ils vont mettre par terre des réseaux ou des sites, il y aura toujours quelqu'un qui va se sentir lésé. Ouais. Après, c'est un problème de... Eux, ils voient ça comme un moyen de pression, puisque, la SOPA, tu peux aller défiler dans la rue, pas grand monde va... défiler contre dans la rue, pas grand monde va en parler, je pense. Ouais, Avec cette attaque ouais. Sony, là on en parle, tu vois. Et donc, et par rapport aussi à Après, ça, et bah, et je sais, vas-y, vas-y, vas-y. non mais Non, après le tout c'est de savoir si vas-y, c'est poursuis une Pédrobert et minorité. ensuite la biche. Ouais, après c'est le problème des majorités silencieuses et des minorités qui s'expriment, quoi. On entend Anonymous, mais ce qui représente la majorité des personnes, quoi. Je ne pense pas, parce Et qu'honnêtement, à toi la biche, oui. il suffit juste de voir les réactions sur les divers forums de jeux vidéo. Je suis pas sûr que les actions d'Anonymous aient fait plaisir à la majorité des joueurs. En tout cas, j'ai rarement vu vraiment des joueurs revendiquer les actions d'Anonymous en tant que, je sais pas, que bonnes actions. Et surtout, au nom de qui ils font. Au nom de qui ces attaques. Ils se permettent justement de faire ces attaques-là. Moi, honnêtement, je ne me sens pas représenté par Anonymous, et ni dans leur combat. Donc, je pense que c'est vraiment assez personnel, et ça me dérange justement d'être affilié que les joueurs soient affiliés à Anonymous, finalement. Tout à fait. Et donc maintenant, je vais en fait revenir et maintenant sur le détail, enfin, après 30 minutes de cast, on va enfin pouvoir revenir sur les actions hein, voilà, les actions qu'envisage hein, de commettre Anonymous. C'est donc comme ils l'ont indiqué, ce ne sera pas tourné vers le PSN, mais ce sera tourné vers les dirigeants de Sony, c'est-à-dire que les informations, les données bancaires, les informations de la vie personnelle d'exécutifs au sein de Sony seront dévoilés au grand jour. Il y aura aussi justement des vidéos, des films Sony qui seront mis à disposition des gens gratuitement sur les sites même de Sony. Donc voilà, ça c'est ce que Anonymous envisage. Et en tout cas, il y a un petit côté, est-ce que ça veut... Enfin bon, qu'importe, qu'importe. On va pouvoir y revenir un peu dessus, mais enfin voilà, c'est vraiment contre les dirigeants. C'est vraiment là, Anonymous veut vraiment se... Enfin, attaquer et n'attaquer que les dirigeants. Par ce genre d'action. Enfin, quand je dis que les dirigeants, les données personnelles des dirigeants, certes, mais éventuellement, et comme j'expliquais aussi, voilà, donc la mise à la disposition, donc, bon, voilà, de médias en téléchargement depuis les sites Sony. Alors, est-ce que, justement, est-ce que en apprenant ça, même si vous le saviez déjà, mais pour les gens du chat, est-ce que finalement ça peut venir éventuellement. Voilà, est-ce que ça vous fait voir les choses un peu différemment ou est-ce que vous trouvez que ça aura des implications différentes de celles que vous avez évoquées? Bah c'est jamais bon signe de donner des informations personnelles, vu ce qu'ils en font historiquement. Oui. Ça tourne toujours au harcèlement téléphonique, à la blague de je commande 12 pizzas, etc. Oui. C'est pas très c'est pas très malin en général. D'accord. Et pour ta part, la biche, est-ce que ça te paraît pertinent que cette action, justement, pour lutter contre la SOPA, enfin contre cette loi? Alors, désolé, j'ai eu une coupure en fait. Excusez-moi. Alors, hop. D'accord, il n'y a pas de souci. Peux-tu reformuler ta question, s'il te plaît? Parce que Non, en j'ai fait, coupé comme ça. je demandais juste, est-ce que justement cette action voilà, de dévoiler les données personnelles des exécutifs de Sony, de mettre à disposition des musiques et des films à disposition du public, enfin à la disposition, pardon, gratuitement pour le public des films donc et des musiques depuis les sites de Sony, est-ce que tu trouves voilà que c'est une action pertinente pour lutter justement contre cette loi SOPA? Et c'est plus ou moins ce qu'envisage Anonymous contre Sony. Hein. Voilà, pour être précis. Honnêtement, moi je pense plutôt que ça ne fera qu'empirer les choses, concrètement, parce que bon, on va dire que D'accord. si tu Donc en prends fait, pas. disons que tu es toujours sur ta ligne ouais, de tout à l'heure, ouais. Oui, voilà, je pense que vraiment ça ne fera que qu'empirer les choses et au bout d'un moment, bah, ça va exploser. Hein. Je veux dire, c'est pas en faisant du mal qu'on combat le mal finalement, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que donner à disposition des films gratuitement, tout ça, bah, effectivement, beaucoup de gens vont se ruer dessus et beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément la loi SOPA et donc ils vont se Ouais. dire, bah tiens, il y a une faille, on va en profiter, on va récupérer plein de films gratuitement. Mais finalement, est-ce que ces personnes-là qui vont profiter justement des actions de Anonymous sont au courant de la loi, enfin de la loi SOPA et participent justement à lutter contre. Et ça me paraît quand même assez. Enfin, je sais pas, c'est assez paradoxal ce que font Anonymous. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de lutter contre ça. Surtout de divulguer aussi des informations D'accord. personnelles. Bon, je trouve quand même ça, d'un point de vue éthique, c'est pas génial. Et ça ne fait que D'accord. décrédibiliser leur image, à mon avis. En tout cas, bah, je te remercie, la biche. Je remercie également Pedro Robert. Remerciements également donc à Adam Jensen. Si vous voulez voir le post dans son contexte originel, vous cliquez juste là. Voilà, c'est fait pour, hein. Donc ensuite, donc commentaire suivant, toujours, hein, sur gameblog.fr, parce que voilà, c'est un rip du forum gameblog.fr, que je salue d'ailleurs. Donc Rafik, hein, qui nous dit, s'ils font la même attaque qu'ils avaient prévue pour Facebook, alors je les encourage. Donc quand on parle de l'attaque Facebook, c'est que comme on l'expliquait, hein, Anonymous a connu une célébrité, enfin le groupe Anonymous, hein, qui finalement est tout le monde et personne. Donc le groupe en tout cas Anonymous a effectivement donc son plus haut fait d'armes, c'est cette comment dire, c'est effectivement cette voilà donc le fait d'avoir pénétré le PSN. Ce qui a, voilà, ce qui a effectivement engendré la fermeture du PSN pour corriger les failles, mais eux finalement n'ont fait que pénétrer. D'accord? Ils n'ont pas fermé par leur action le PSN, d'accord? C'est pas directement. C'est juste une des conséquences, c'était une mesure préventive, d'accord, que la fermeture du PSN. Ensuite, Anonymous a donc, comme je dis, connu une très grande célébrité, etc. Et effectivement, ils ont dit maintenant nous allons nous attaquer à Facebook, qui effectivement, je sais pas, vend des données personnelles des utilisateurs, blablabla. Donc on va les faire tomber. Ils avaient effectivement dit ça il y a donc si on place l'attaque sur le PSN il y a 7 mois, donc ça doit faire, enfin bon qu'importe, quelques mois. Entre 7 mois et avant-hier, par exemple, grosso modo. Mais qu'importe. Mais depuis que cette annonce a été faite, à propos donc de l'attaque de Facebook, il ne s'est rien passé. On n'a rien vu de concret, en tout cas aucun scandale n'a éclaté sur la toile. Et c'est justement ce que nous dit donc Rafik, hein, comme je vous l'indique aussi, le lien est cliquable. Et donc comme nous le dit Rafik, s'ils font. Si leur attaque contre Sony est la même que leur attaque contre Facebook, ben allez-y les mecs. C'est-à-dire, est-ce que finalement Anonymous, et là je vais faire un amalgame, enfin je vais faire voilà, qui est plus que, enfin bon, qui sera peut-être considéré comme douteux, mais c'est peut-être éventuellement ce qui s'est passé, comment dire, vis-à-vis de, enfin de Al-Qaïda du 11 septembre. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement l'attaque contre les deux tours que vous connaissez tous, en 2001. Et tout le monde a commencé effectivement donc à craindre Al-Qaïda, dire c'est vrai que pourront faire ces gens-là, etc. Et à part, bon après je vais pas minimiser, hein, mais il ne s'est rien passé, en tout cas, qui arrive même à la moitié, hein, je veux dire, en termes de symbolisme, en termes, voilà, de ce qui s'est passé le 11 septembre. Et ça depuis 10 ans. Et c'est peut-être éventuellement ce qu'est en train justement de devenir Anonymous. C'est-à-dire, enfin je sais pas justement si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Oui, mais on ne sait pas finalement s'ils ont tenté ou pas quelque chose sur Facebook. Hein. Ils ont peut-être tenté quelque chose qui n'a pas porté ses fruits. Ouais, mais la question est un peu, est-ce que finalement l'attaque contre le, enfin, l'infiltration dans le PSN, le vol de données, finalement, blablabla, Sony avait reconnu même à l'époque justement que la sécurité sur le PSN n'était pas extraordinaire au moment, enfin, voilà, au moment où cette action donc s'est passée. Est-ce que finalement c'était pas, je vais pas dire quelque chose de simple, hein, je suis pas là pour minimiser, voilà, totalement. Mais dans l'idée, est-ce que c'est pas finalement une action relativement, on va dire, banale qui a eu avec un effet boule de neige, qui a connu éventuellement, voilà, bah oui, qui a été exposée grandement aux yeux du public. Mais finalement derrière, est-ce que Anonymous déjà sont organisés, puisque bah, finalement on évoquait, hein, puisqu'on disait qu'Anonymous finalement ça pouvait être tout le monde et personne, d'accord? Bon, voilà, ça peut être Pedro Robert, comme ça peut être, voilà, on ne sait pas qui est Anonymous. Mais dans l'idée, est-ce que finalement ils sont compétents? C'est un peu la question en fait que ça pose, c'est est-ce qu'ils ont les moyens vraiment de leur ambition, véritablement? Est-ce qu'on ne leur prête pas une... Enfin voilà, est-ce qu'ils ne sont pas justement ce qu'ils... tu vois? Enfin, si vous voyez ce que je veux dire à peu près. Bah, peut-être qu'ils ont pété plus haut que leur cul finalement. C'est un peu C'est-à-dire l'idée. que. Oui, Enfin, non, mais c'est c'est-à-dire juste une que. question, c'est juste une question. Ah oui, mais disons que s'ils ont annoncé qu'ils allaient faire des attaques sur Facebook et que ça n'a rien donné, je pense que peut-être qu'ils ont visé un petit peu trop haut, que la sécurité de Facebook est exemplaire, je ne sais pas. Après, peut-être que je me trompe, on Ouais. aura prochainement des attaques, mais. Je sais pas, honnêtement, vu que c'est une structure qui n'est pas organisée, c'est-à-dire comme tu l'as dit, hein, Anonymous, ça peut être n'importe qui d'entre nous, hein, enfin, je sais pas, je dis comme ça, mais vu qu'il n'y a pas vraiment de structure et que c'est assez une organisation un peu basée sur le chaos, ça me paraît difficile Ouais. quand même d'attaquer une grande machine comme Facebook, même s'ils ont réussi à percer le PSN. Maintenant, Sony a Ouais. reconnu eux-mêmes que leur système n'était pas vraiment au point. Et c'est pour ça que je disais au début que, quitte à une éventuelle attaque aujourd'hui sur Sony, je pense que Sony s'est préparé quand même à contrer toute éventuelle attaque. Enfin, j'espère pour eux en tout cas. Ouais. Ça dépend du type d'attaque. Et Pedro Robert. Et pour une attaque DOS, évidemment, il faut énormément de gens qui suivent derrière ou de botnets pour mettre par terre les machines. Ouais. Après, pour voler des données comme ça, c'était le cas sur le PSN, il suffit d'un gars qui arrive à s'introduire. Hein. Là, c'est une question de talent, c'est pas une question de talent et Ouais. d'insécurité du réseau qu'on attaque, c'est pas une question de masse. Après, comme ils étaient en train de faire du DOS sur le PSN, c'est un Ouais. terreau fertile pour tenter une intrusion. Ça ne facilite pas la sécurité du réseau. Ouais. Et en fait, Master Panda sur le chat, hein, puisque je rappelle, il y a le chat, et donc il nous dit que Anonymous est organisé mais par cellule. Il n'y a pas d'organisation centralisée, il n'y a pas de chef, etc. Donc voilà. Après, je sais pas justement enfin voilà. Espérons en tout cas que Anonymous soit, enfin en tout cas je dis espérons dans l'idée, hein. Et Master Panda justement qui nous dit c'est ça, vraiment, c'est véritablement comme ça. Donc ils sont organisés, mais par toutes petites cellules. Et donc c'est-à-dire qu'ils se regroupent au moment où ils doivent faire une attaque, ou comment ça se passe, Master Panda? En tout cas voilà, en tout cas voilà, si Master Panda veut nous rejoindre, d'accord, même si dans l'émission nous n'avons pas l'habitude d'avoir un quatrième, enfin un troisième intervenant, en plus de l'animateur, mais si Master Panda en tout cas veut nous rejoindre sur le... Dans l'émission, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, on va tout de suite. En fait, on va juste attendre Master Panda quelques secondes. Et miracle d'Internet, miracle de e-live. Donc, Master Panda est avec nous. Salut, Master. Bon, alors, vas-y, toi, tu Bonsoir. parlais justement des cellules. Des cellules qui. Enfin, de Anonymous qui est organisé en petites cellules. Est-ce que justement tu peux. Enfin oui, donc pour rebondir, hein, sur le côté Facebook et machin, et le fait que. Éventuellement, est-ce que Anonymous est compétent ou pas? C'est la question qu'on se posait. C'est-à-dire que Anonymous, c'est quoi? C'est une organisation qui est complètement décentralisée, c'est-à-dire il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire c'est des types qui sont sur des forums qui se disent, bon ben voilà, tel jour, tel moment, on va se donner les moyens, on va essayer d'attaquer un site. Ensuite, voilà, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est vraiment, c'est comme le Computer Club là, de Berlin, là, le groupe de hackers, enfin même s'ils ne sont pas du tout affiliés, Ouais. même si peut-être qu'il y a des gens qui sont là-bas qui participent à Anonymous, c'est-à-dire c'est des gens qui, Ouais. pour moi, représentent la vraie mentalité d'Internet, comme elle a été voulue au début par ceux qui l'ont inventée. C'est-à-dire, Internet, à la Ouais. base, c'était quoi? C'était faire passer de l'information gratuitement et de manière totalement décentralisée pour que personne ne puisse la contrôler, justement. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gouvernement ou d'entreprise qui puisse contrôler ce qui aille sur Internet. Et aujourd'hui, Mais cette en fait, loi attends, SOPA. attends juste Master Panda. En fait, le truc, c'est qu'en fait, ton intervention, et je remercie en fait Rafik, c'est mieux au commentaire suivant, d'accord? Qui est donc, donc on va juste passer au commentaire suivant, qui est donc celui de Sepsok, qui me demande, qui sur Gameblog, hein, .fr, demande, je me demande ce que tu fais toi pour défendre la liberté de l'internet. jouer à Call of Duty. Donc enfin bon, qu'importe. Voilà. Bah enfin voilà. Et là justement, tu peux justement continuer sur ce que tu disais, puisque voilà, je pense que tout le monde aura compris à peu près la question, enfin en tout cas la remarque, le commentaire de Sepsok que vous pouvez voir dans son contexte original et donc même savoir ce qu'avait dit, enfin même à qui il répond. Mais tu peux continuer donc, Master Panda. Vas-y. Bah moi ouais, il y a un truc qui me, enfin, ça me fait penser à quelque chose, cette phrase, c'est que à la limite dans le domaine du jeu vidéo, par rapport aux Oui. jeux en réseau et Internet, la seule plateforme en fait qui ait gardé l'esprit indépendant d'Internet et justement cette liberté, c'est quoi? C'est le PC. Ouais. Parce que y a pas de paiement, enfin tu payes pas pour jouer, t'es pas traqué. Enfin ça change aujourd'hui avec Origin, le système de EA, Steam, c'est un peu limite je trouve. Electronic Arts, Mais ouais. à la base c'était ça le jouer le jeu en réseau à la base. C'était totalement libre, c'était totalement gratuit et personne venait te faire chier, personne te demandait de payer pour pouvoir jouer en réseau. Et aujourd'hui t'es obligé de jouer en réseau. Et pire aujourd'hui. Ouais. Pour même jouer à des jeux solo, t'es obligé d'être connecté à Internet. C'est-à-dire, t'es obligé de payer d'une certaine façon. Il Ouais. faut que tu payes ton abonnement et tout. Alors qu'à la base, c'était pas ça. À la base, à Internet, il te fallait une connexion, Ouais. une prise téléphonique. À la limite, tu pouvais même la pirater, quoi. Enfin, aux États-Unis, dans les années 80, début 90. Mais bon, là, je vais pas faire un cours d'histoire sur Internet parce que Ouais. je m'y connais pas assez non plus. Après, voilà. T'as une autre question? Ben, la Ouais, biche, toi, est-ce que tu défendre veux la liberté justement d'Internet. revenir sur ce Bah, qu'a pu dire après, oui, c'est pour Master? moi aujourd'hui, c'est les joueurs. Et faut vraiment, pour moi, il faut vraiment différencier les joueurs des consommateurs. C'est-à-dire de Oui. quel côté on se situe, de quel point de vue on se situe. Est-ce qu'on est. Oui, moi j'aime les jeux vidéo. Je suis fan. J'y joue depuis que je suis gosse et tout. Après, je consomme de manière modérée, on va dire. Et je fais gaffe. Et il y a des jeux. Oui, moi j'avoue, je pirate des jeux. Et je pense que celui qui n'a jamais piraté de jeu, qui va me dire ah c'est pas bien, il se fout un peu de ma gueule quand même. Bien sûr, tu vas pas Celui-là n'a dépenser jamais eu de 70 PSP alors. euros à chaque fois. Tu vas pas dépenser 70 euros à chaque fois qu'il y a un jeu qui te plaît. Moi je l'ai fait à un moment parce que j'avais les moyens. Et putain, quand t'achètes 70 euros un jeu et qu'en fait c'est une daube et tout et que ah, voilà, tu vas le revendre, mais tu le revends quoi à 30 euros et puis après. Tu t'y perds trop, donc ouais, tu pirates et t'essayes, et à la limite, si le jeu te plaît vraiment, à la limite, après, tu vas l'acheter, ou tu vas acheter le prochain. Et pour moi, au niveau du piratage aujourd'hui, c'est pareil que ce soit les jeux vidéo, les films, la musique et tout. Enfin, Internet, c'est un outil formidable pour avoir de la culture gratuitement. Et si après, tu aimes vraiment une œuvre, tu peux payer, tu peux soutenir l'artiste par Non mais exemple. Mais quand ouais. tu vas acheter un jeu vidéo 70 euros, tu vas pas le filer les 70 euros au développeur. Je suis désolé, tu vas payer déjà la moitié, elle va payer le marketing qui a été mis en jeu. Déjà. Je suis d'accord, Et à je la suis limite. d'accord sur un point où tu dis que le piratage génère de la consommation. Ça c'est vrai, mais on le dit jamais assez. Maintenant, est-ce que c'est vraiment, disons, d'un point de vue éthique, est-ce que c'est vraiment aussi rendre service aux créateurs que de pirater? Mais bon, c'est vrai que ça. Ouais, et est-ce que d'un point de vue éthique, le droit d'auteur, c'est vraiment, enfin voilà, est-ce que c'est vraiment éthique à la base? Parce que le droit d'auteur, je rappelle que ça a été inventé justement pour que les que des types pour que les même pas que les auteurs eux-mêmes aient touchent de l'argent, mais pour que leurs descendants ou la boîte qui a genre la maison d'édition ou quoi que ce soit puisse continuer à toucher des sous. C'est le droit d'auteur aux États-Unis. Il faut rappeler il est passé en un siècle de 10 ans à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans à cause de Walt Disney. Parce que Disney Ouais, ne c'est voulait pas voir Mickey tomber dans le domaine public. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec la loi, la SOPA, c'est à peu près la même chose, hein. On est dans la continuité de ça. Donc après, voilà, nous aussi, il faut qu'on se positionne par rapport à ça. C'est est-ce qu'on veut un Internet libre? Est-ce qu'on veut une culture qui soit diffusable partout, qui soit accessible à tout le monde? Ou est-ce qu'on veut, dès que tu vas te connecter, genre sur Firefox, sur Chrome, tu vas payer genre 1 € de droit d'accès, tu vois, pour aller sur un site ou pour juste écouter une musique ou quoi que ce soit? Aujourd'hui, ça, bon voilà, on a la pub. Chaque fois que tu veux aller voir un truc sur YouTube, tu vas taper 1 minute de pub. Ce qui est totalement, enfin la pub voilà, qui est la base de la. C'est la base du système d'aujourd'hui, du système de consommation, hein, c'est de la propagande, faut le rappeler. Non, non, je suis d'accord sur ce point-là. Donc, enfin je le dis à des personnes qui le sauraient peut-être pas, hein, c'est que voilà. Les relations publiques ont été inventées par le gendre de Freud. C'est lui qui a inventé le terme de relations publiques. Il a écrit un bouquin qui s'appelait Propaganda dans les années 20 aux États-Unis. Et les multinationales, enfin les grandes boîtes américaines, sont servies de ces méthodes pour vendre leurs produits. Le gouvernement américain s'en est servi pour vendre ses guerres et Goebbels s'en est servi pour vendre le nazisme. Donc voilà, la pub, c'est ça. Je le dis juste comme ça. Alors, Donc bah oui, vous justement. avez pu comprendre que je suis plutôt Ouais. libertaire anard et c'est pour ça que j'aime bien Anonymous parce qu'ils défendent des valeurs dans lesquelles je crois. Après, qu'ils attaquent Sony ou Facebook, franchement, Sony, pour moi, je m'en balais, quoi. Enfin, le PSN, si tu veux, pour eux, c'est rien. Eux, Sony, vraiment, Sony, c'est quoi? Sony, c'est un des premiers studios de cinéma au monde et une des premières boîtes de musique aussi. Comment dire, ils produisent plein, plein d'artistes. C'est une des premières boîtes du monde. Et à mon avis, Anonymous, c'est surtout là qu'ils veulent taper. Parce que voilà, là, il y a des sous en jeu. C'est vraiment ça que Sony veut défendre en soutenant cette loi. C'est pour protéger les droits d'auteur pour les films et pour la musique. À la limite, les jeux vidéo, bon, voilà quoi. Je pense que c'est secondaire. Et Anonymous le sait aussi. Vu qu'à mon Mais c'est avis, c'est vrai des que, joueurs, hein. La plupart des gens justement, par rapport à ça, qui. et en fait, c'est vrai que par rapport en fait aux entreprises qui défendent justement cette loi, c'est que et ça, c'est une remarque qu'a fait Labiche il y a 5 minutes, une remarque qu'il a placée très rapidement. C'est vrai que finalement, puisque enfin, quand on parle de liberté d'Internet, hein, et Masterpoda vous dit oui, la liberté de pouvoir consommer la culture, blablabla, c'est aussi voilà, c'est effectivement que tout ne serait pas dans le cadre strict C'est de même la pas loi. Donc ça. consommer la culture, c'est d'y avoir accès. C'est même Voilà, pas la d'y avoir consommer, c'est d'y accès. avoir accès. Il faut savoir que Mais oui. aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que quand quelque chose est créé quelque part dans le monde, si cette personne-là a un ordinateur et un accès Internet, cette chose-là est accessible au monde entier. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Il faut bien se le mettre dans le crâne, ça, quand Oui, même. si cette Avant, chose est ça pouvait mettre numérique. des centaines. Si cette chose est numérique, mais aujourd'hui tu peux quasiment tout numériser. Que ce soit un bouquin, une musique, un film, une idée, tu peux écrire un livre, tu peux même une pensée, un truc. Tu peux faire passer n'importe quoi. La culture, c'est les idées, c'est ça. Mais Et ça, tu peux le faire passer, que ce soit bon ou juste une mal. question pour toi, Master Panda. Prenons un Ouais. livre qui sort dans le commerce, hein, qui est déjà sorti dans le commerce avant l'arrivée d'Internet, qui avait un prix, puisqu'on est d'accord, la culture a toujours eu un prix, ça c'est certain. Ce livre-là, aujourd'hui, se retrouve dans un format e-book, depuis l'arrivée d'Internet. Pour toi, est-ce qu'il doit être payant ou gratuit sur Internet? Si tu as envie de le payer, tu le payes. Si tu as envie de le télécharger gratuitement, tu téléchargeras gratuitement. Ça, après, c'est à toi de voir. C'est-à-dire, est-ce que quelque part tu as envie de donner des sous? Tu te dis, bon, voilà, le consommateur lambda, il te dit, bon, il se dit, télécharger illégalement, c'est mal, donc je vais l'acheter. Voilà. En même temps, si le bouquin il est pourri, tu as foutu 20 euros en l'air. Alors que bon, tu as des moyens détournés de pouvoir te procurer ce livre. Et après, à la limite, si t'as plu, tu peux le retélécharger en version légale. Ou alors, moi, je trouve ce qui est vraiment le meilleur modèle pour Internet, enfin pour ceux qui produisent la culture, qui font de la culture et qui la mettent sur le net, qui la numérisent, c'est le système de dons, de donne ce que tu veux, comme l'a fait Bowie, Radiohead, et tout ça. C'est-à-dire, ils mettent leur album en libre téléchargement et les gens donnent ce qu'ils veulent après. Ah, Et enfin, ils peuvent comment ils vont gagner de se la thune? permettre, Parce que. ils sont déjà blindés, les mecs. Ils peuvent se le permettre, mais aujourd'hui, le nombre de groupes, rien que pour la musique, parce que moi je suis musicien, j'ai des potes qui sont dans des groupes, j'écoute au taquet de musique, le nombre de groupes qui balancent leurs morceaux gratos sur Internet, pourquoi ils le font? Comme Christophe Mais pour se Andelatte. faire connaître. Alors voilà, après, il y a bien sûr Metallica ou je sais pas qui, ils vont gueuler parce qu'on va télécharger leur album et tout, mais putain, mais le nombre de gens qui ont téléchargé leur album, et si le groupe vient en concert à côté de chez eux, bah c'est plus de gens qui peut-être auront envie d'aller au concert et donc d'aller payer peut-être 20 euros, 30 euros, 50 euros, voire 100 euros pour Metallica Et pour c'est aller les ça en voir en fait, oui, concert. que je voulais dire tout Est-ce à l'heure. qu'un artiste, aujourd'hui, il est là juste pour gagner de la thune? C'est-à-dire, il se dit, je vais faire un film, je vais faire un livre, je vais faire une chanson et je vais me croiser les bras et je vais attendre que la thune rentre. Ou alors, est-ce qu'il doit promouvoir, est-ce qu'il doit se battre pour faire connaître justement pas son produit, mais son œuvre? En quelque sorte. Et voilà, et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui le connaissent. Il est là le but aussi, Ouais, mais il je se pose un pense. problème de choix, parce que Un artiste, il peut proposer sa musique gratuitement, il en a le droit. Mais là, ce qui se passe en ce moment, c'est que il est obligé de la. Enfin, on lui force la main, quoi. Il n'a pas le choix de. Il existe des licences libres pour proposer de la musique, etc. Mais un artiste Oui, bien sûr. Qui dit moi je veux que toutes mes écoutes soient rémunérées, bon c'est son choix après tout. Non, là, à la limite, Là je on vais lui te dire, force la c'est main. pas forcément l'artiste, c'est la maison de disques qui va dire ça. C'est pas Ouais mais peu l'artiste. importe, Parce c'est le qu'après, même t'as la raisonnement. différence, t'as le. T'as... Non, pas tout à fait. Parce que je pense qu'il y a une différence entre un artiste qui signe dans une grosse major et un artiste qui signe sur un label indépendant. Déjà, il y a une différence. Bon, peut-être parce qu'il n'est pas connu, il va pas pouvoir signer sur une major, mais s'il a le choix, par exemple. Il y a aussi quelque chose comme ça. Ça, c'est toujours il faut toujours ces gens se positionnent d'une manière morale aussi par rapport à ça. C'est-à-dire quand tu signes dans une grande maison de disques, tu sais que de toute façon tu vas devoir lécher les culs, tu vas devoir baisser ton froc. Déjà. Et que sur un CD qui est vendu 15-20 euros, bah, tu vas en toucher 1 euro. Même pas. Même pas 1 euro. Parce que le reste sera parti en marketing, en production, en machin. Alors que il n'y a pas besoin de toute cette thune non plus pour faire un disque ou quoi que ce soit. Je connais des groupes amateurs qui te sortent des trucs de fou avec un son pro pour 100 fois moins que ce qu'a coûté, je sais pas, le dernier Christophe Maé ou j'en sais rien, moi. J'écoute pas la radio, donc je sais pas ce qu'ils font. Enfin, Rihanna ou les conneries comme ça, quoi. Plus les clips, MTV et tout. Enfin voilà, ça aussi, c'est de la propagande du bourrage de crâne. Ouais, mais ils touchent de l'argent sur les clips, hein. C'est toujours pareil. Là, c'est la maison de disque, pas Non, mais c'est l'artiste. aussi pour ça qu'il y a la distribution libre en dématérialisé. Ils peuvent se Exactement. séparer des maisons de disques. Et quand tu dis que tu préfères que les musiciens mettent à disposition leur musique gratuitement, bah, je suis pas d'accord, désolé. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer par des moyens comme le dématérialisé à partir de, je sais pas, des plateformes de téléchargement et proposer leur contenu payant. Enfin, moi, ça me paraît légitime de demander retour sur un. Oui, non, mais ça, je suis d'accord aussi. Là, moi, ce que j'étais, moi, là où je suis contre, c'est contre le système actuel de production de la culture, que ce soit musicale ou filmographique ou quoi que ce soit. C'est qu'aujourd'hui, c'est un business, des institutions qui sont en train de s'effondrer, et c'est leur champ du cygne. Toutes ces lois, que ce soit Hadopi ou la SOPA et tout, c'est leur champ du cygne. C'est que les gars, ils savent plus quoi faire, parce que justement. Aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche les gens de télécharger, de toute façon, gratuitement. Il n'y a rien qui les empêche. Et même en sortant des lois à la con, des trucs comme ça, ils le savent très bien, c'est que les pirates, enfin les gars qui développent justement ces outils, sont 100 fois plus intelligents qu'eux et seront 100 fois plus rapides à contourner le problème. Hadopi, on a bien vu, de toute façon, même quand la loi était sortie, elle était déjà obsolète. Technologiquement, c'était obsolète et c'était impraticable. Donc voilà. Après, voilà, il y a des choses Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose tu qui peux intéresse plus, tu peux pas Pedro aller Vert, ouais, contre. Hadopi. Alors, soit tu fermes complètement Internet, comme en Chine, enfin, que qu'ils essaient de le faire, mais on te dit, enfin, le gouvernement chinois dit que c'est totalement censuré, machin, fermé, mais, enfin, voilà, on le sait, hein, un proxy, c'est pas difficile à trouver, hein, faire un tunnel ou quoi que ce soit, c'est pas difficile, et le gouvernement, à moins d'y passer des plombes, des plombes et des plombes, et que, enfin voilà, que tu sois vraiment super actif et que t'emmerdes bien ton monde, t'as très peu de chances de te faire choper, hein. Ouais, mais c'est un Donc positionnement, c'est. de toute façon, c'est un positionnement moral. Toi, tu disais, tout le monde a déjà piraté quelque chose. C'est certes vrai, mais quand tu observes. Même au ministère de Ouais, l'Intérieur, mais. ils Laisse-moi téléchargent terminer. des trucs. Quand tu observes la génération actuelle, il y a une différence, c'est qu'ils considèrent que c'est normal. Bah oui. Bah à la limite, ils ont raison. Bah Bah, c'est comme ça. c'est toute la Toi, question. c'était normal quand tu. Ouais, mais regarde, toi, quand un film il passait à la télé, tu trouvais ça normal de pouvoir l'enregistrer sur ton magnétoscope, sur une cassette vierge, et ensuite de pouvoir le regarder encore. Mais ça, c'était illégal. T'avais pas le droit de faire ça. C'était T'as pas le des droit. exceptions, ouais, mais c'est Eh toujours. oui, mais aujourd'hui, la technologie te permet de, quand genre un jeu vidéo, parce que nous, voilà, on parle jeu vidéo, un jeu vidéo, il sort dans le commerce, il y a quelqu'un qui va extraire l'image, qui va le remettre sur Internet pour dire, allez-y. Mais enfin, on le sait en plus, de toute façon, les jeux les plus piratés, ce sont ceux qui se vendent le plus, de toute façon. Donc un jeu Ouais, piraté, mais. c'est pas forcément une vente de perdu. C'est pas une vente Les de jeux qui se perdu, vendent le de toute façon. plus, c'est Ça, ceux c'est qui sont le clair. plus marketés et qui sont donc le plus piratés aussi. Alors ça marche dans les Eh deux oui, sens. exactement. Eh ben oui. Là, d'où le pouvoir du marketing, de la pub et tout ça, quoi. Mais c'est, c'est pour euh, toi, y tout a... à fait. moi je suis, généralement je me fais un peu l'avocat du diable, hein, c'est, Mais t'as parce raison. que je trouve, Moi aussi, personnellement je j'aime trouve que bien. le, c'est... les gens, on est dans une période où les gens exagèrent, quoi. Et moi, Moi, je... un artiste Vas-y, qui vas-y, veut excuse-moi. proposer sa musique gratuitement, il peut le mettre en licence libre, il n'y a pas de souci. Et par contre, un artiste ou une maison de disques, comme tu dis, qui ne veut pas, bah faut qu'il ait le droit de pouvoir refuser Mais il a le droit, il peut le faire, mais après qu'il vienne pas chialer, il le sait que de toute façon qu'il a des chances de se faire Oui, mais c'est pirater, ce que il je le dis. sait. On lui donne le choix, sachant que derrière, les gens pirateront quand même. Donc finalement, il n'y a pas le choix. On Bah respecte pas si, t'as toujours son le opinion, si tu choix. veux. C'est-à-dire, on Bah, lui dit, on va. après ceux qui veulent aller l'acheter le CD, ils y vont. Mais aujourd'hui, de toute façon, plus personne n'achète de Ah CD. si si, moi j'achète mes Enfin, on CD, le j'ai voit, plus les acheté de ventes, elles CD. s'écoulent. Ah ouais, d'accord. Moi, franchement, et pourtant, il y a une époque, je te dis qu'avant que j'ai Internet, j'en achetais, je dépensais peut-être. Mais mes premières payes, moi, j'ai commencé à bosser au McDo à 17 ans. Je gagnais genre 400-500 euros par mois. Et ben, je te jure que toute ma paye est passée en CD, en DVD, en jeux vidéo. J'étais un putain de bouffeur de. Voilà, j'ai toujours hâte de ça. Et les bouquins et tout. Dès que j'ai eu Internet, j'ai réduit ce budget de moitié, quoi. Non mais après il faut. Des CD, je dois en acheter. Le dernier que j'ai acheté, ça doit faire il y a 2 ans, et encore, c'était pour offrir à quelqu'un. Et par contre, quand il y a un artiste que j'aime et qui passe à côté de chez moi, bah, je vais le voir. Direct. Je vais aller le voir. Et là, je vais pas payer 15 euros mon CD, je vais payer 30 euros, 40 euros ma place, et je vais aller le voir en concert. Voilà, c'est tout. Oui, enfin, tu prends aussi, par exemple, moi je parle, je sais pas, des compositeurs de jeux vidéo. J'adore beaucoup la musique de jeux vidéo, et c'est des personnes qui, d'une, font rarement de concerts, voire jamais, et je trouve ça normal Oui, de mais ce financer. type-là, il a déjà été payé de toute Il a déjà façon. été payé Il a déjà été pour ce qu'il a payé. Le fait. compositeur de jeux vidéo, il a déjà été Oui, mais il payé. commercialise des Donc à la CD, limite, c'est un acte ça. de soutien, de pouvoir de donner de l'argent justement pour que ces personnes-là puissent continuer à produire. Alors on est d'accord, ils ont été payés pour ce qu'ils ont fait, mais moi je trouve que aussi c'est aussi une manière de récompenser l'artiste ou le compositeur du travail qu'il effectue. Moi ça me paraît Oui, totalement. mais ça, je suis d'accord. Ben, je suis d'accord. Donc dans ce cas-là, si tu veux vraiment, moi, c'est ce que je dis. Ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est si tu aimes vraiment l'œuvre d'un artiste, achète son œuvre. Achète-le, Oui, fais-le. Il n'y a pas de mais quand on souci, le mais franchement, il n'y a pas de donne. souci. D'accord, mais quand on le met à disposition. Quand l'auteur se réserve le droit justement de le mettre à disposition, mais payant, d'une manière payante, de quel droit nous on aurait le droit de se le procurer gratuitement? C'est ça. C'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on a les moyens de On le a les faire. moyens, d'accord, mais Donc c'est tu pas le fais, légitime. de toute façon. Oui, bah, évidemment, C'est pas c'est pas légal. légal. Après, est-ce que c'est légitime ou pas? Est-ce que je vais payer pour une musique, pour un album que je vais écouter juste 2-3 fois? Non. Non, je suis désolé, je préfère le télécharger. Et puis à la limite, de toute façon, dans 2 jours, il sera oublié. Et puis je l'aurai effacé. Et puis voilà. Donc je vois pas pourquoi je paierais 15 euros pour un truc que je vais écouter 2 fois, quoi. Oui, mais c'est très Enfin, bien que voilà. gens qui téléchargent, pour rester dans le jeu vidéo, qui téléchargent des jeux et qui font tous leurs jeux de fond en comble sur des copies. Je veux dire, c'est pas que des gars qui jouent 10 Bah oui. minutes et qui le balancent. Ouais, mais en même temps, moi, vu ce que le jeu vidéo rapporte aujourd'hui, je me fais pas trop de soucis pour les boîtes de jeux vidéo, quoi. Enfin, vu la thune que ça engendre, enfin voilà, quoi. Quand tu vois que Call of Duty a été téléchargé je sais pas combien de millions de fois, genre 2, 3 millions de fois sur Oui, mais PC, ils en ont vendu combien? Ils en ont vendu combien? Enfin voilà, c'est une c'est posture à la légale, parce limite. qu'à partir du moment où ils vont dire bon bah d'accord, vous avez le droit de les télécharger, bah pourquoi t'irais l'acheter quoi? Évidemment, tu vas me dire si Bah t'aimes, oui. tu vas acheter pour soutenir, mais la barrière légale, si tu fais sauter la barrière légale. Non, après il y a quelque chose, après il y a quelque chose aussi qui est dans, c'était qui? C'était Baudrillard, ce qu'on appelle le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire qu'il y a des gens, et c'est vrai que la plupart des joueurs de jeux vidéo aujourd'hui, sur les forums, quand on voit les gens qui sont contre la dématérialisation, c'est-à-dire c'est les gens, tu sais, qui disent que eux ils sont attachés à avoir leur boîte ou leur manuel. Voilà, aujourd'hui les manuels, ils aiment bien avoir le manuel et tout. C'est ce que Baudrillard dans les années 60 appelait le fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire que quelque chose a de la valeur parce qu'on l'a entre les mains, et parce que voilà, on nous a donné envie de l'acheter, on se dit que bah voilà, ça vaut 60 euros. Est-ce qu'un jeu vidéo vaut vraiment 60 euros ou 70 euros? Je ne pense pas. Après, s'ils étaient, on le sait tous, s'ils étaient moins chers, d'ailleurs, faut voir les ventes sur Internet, genre sur Amazon UK, quand un jeu neuf sort à 40 euros ou 45 euros au lieu de 70 en France, bien sûr, tous ceux qui achètent par Internet, ils vont aller l'acheter là-bas. Et après, oui, les ventes en France, elles baissent un peu. Mais Ouais, bon. enfin c'est la question du prix, c'est hors du champ de la. C'est une question de légalité ou pas, gère le Oui, prix, après il est c'est vrai. libre, hein. Tu peux ou pas de l'acheter. Hein. C'est Tout à sûr. fait. Bon, en tout cas, ben je vous ben On parlait d'Anonymous à la voilà. base, Non, mais non, mais enfin, en tout cas, voilà, on m'a un peu c'était quand même bien aussi divergé. ben de passer par là et puis d'avoir donc l'avis de Master Panda et donc Master Panda qui est avec nous. Alors tout de suite, nous allons justement passer au commentaire de quelqu'un que nous connaissons bien. D'accord. Et ben voilà, donc je vais tout de suite vous laisser le découvrir. Alors, d'abord, je remercie Seb Soc, d'accord? Et j'espère que nous avons. J'ai de l'écho, ouais, moi aussi. Ouais, pareil. Allô, Pareil. voilà, et donc j'espère en fait que nous avons donc pu répondre à. C'est Skynet. Voilà. Non, c'est bon, vas-y. Il n'y en a plus qu'un. Voilà, et donc j'espère que nous avons pu répondre à Seb Soc. D'accord? Et tout de suite, donc, commentaire suivant. C'est parti. Alors, une question, hein. Une question, donc, et je remercie, donc voilà. De Pedro Robert qui nous dit on eut la même avec Adopi en France, tous les piratas nous ont promis voilà le retour au Minitel et rien. Voilà, enfin image IPB veut dire que Pedro a simplement mis un smiley à cet endroit-là. Alors justement par rapport à ça, est-ce que justement bah, puisque Pedro Robert tu es l'auteur de ce commentaire, est-ce que tu pourrais justement bah, nous parler de nous décrire un peu ce qu'est Adopi? Et justement, éventuellement, voir de quelle manière est-ce que Sopa ou pas est peut-être inspiré ou non de Hadopi. Bah, Adopi, je pense que tout le monde connaît, c'est cet organisme Enfin, qui petit essaie topo de rapide quand même. repérer les. Comment? Ouais. Ouais, vas-y, oui, Oui, je me petit rappelais. topo, oui, rapidement. C'est un organisme français, donc, enfin, pas une institution, je sais plus comment ils appellent ça, une haute autorité, qui donc a pour charge Oui. de chasser les gens qui téléchargent sur des réseaux peer-to-peer actuellement. Oui. Pour appliquer une riposte en trois volets pour ce qui concerne Adopi, c'est-à-dire d'abord leur envoyer un email quand ils constatent une infraction, D'accord. ensuite un recommandé et ensuite ils peuvent demander devant la justice une coupure de la ligne internet. D'accord. Donc ce qui est différent de SOPA, parce que SOPA s'attaque aux sites et non pas aux internautes. Voilà, exactement. Mais dans l'idée, finalement, est-ce que, bah, puisque je pense, hein, bien entendu, que dans ton commentaire, en parlant de retour au Minitel 2.0, tu dis effectivement que Hadopi sur le papier est une loi qui peut faire peur, mais qui en pratique, depuis déjà quelques, je sais pas, ça fait combien de temps qu'Hadopi a été, Ça fait une année, quelque chose comme ça. voilà. Et depuis un an, et même si après il faut peut-être, je sais pas, lire dans les colonnes des journaux les faits divers, j'en sais rien, mais c'est vrai que depuis un an, en tout cas, il n'y a pas eu de scandale vis-à-vis d'Adopi. C'est-à-dire que, donc, d'après ton commentaire, tu veux dire que la loi Adopi est relativement inefficace. Et là, de la même manière, cette loi SOPA, éventuellement, qui paraît extrêmement impressionnante, d'accord, sur le plan restrictif, et éventuellement, en pratique, ne sera peut-être même pas le dixième, d'accord, de ce qu'elle est, enfin voilà, de ce qu'elle est censée C'est appliquer, pas quoi. exactement le sens du commentaire. Vas-y alors. Parce que finalement, Adopi, efficace ou pas, pour l'instant, ils en sont à, je sais plus, une dizaine de dossiers pour éventuellement couper la ligne, donc c'est très peu. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que déjà à l'époque d'Adopi, et avant l'OPSI, etc., la LEN, il y a eu toute une série de lois, je sais plus dans quel ordre elles sont apparues. Enfin bref, Oui. toujours. À chaque fois, sur les forums, tu avais les réactions, les gens qui venaient nous dire que c'était des lois liberticides, On allait tous fermer nos sites internet, que c'était la fin, on allait revenir au Minitel, etc. Je Ouais. caricature à peine, hein, je sais pas si t'as suivi. Et finalement, on est là aujourd'hui et pas grand-chose a changé. D'accord. Et ben justement, par rapport à ça, la biche, Je sais pas est-ce que si toi aussi, par t'as. rapport à Adopi et le rapport? Vas-y, Est-ce vas-y. que toi, t'as observé ou t'as changé ta manière d'utiliser Internet? Est-ce que t'as observé un changement? Ah, Je pense pas. pas du tout. Globalement, Non, j'ai non, pas pas du tout. grand-chose. Me concernant, non. Effectivement, oui. Mais éventuellement, justement, oui, vas-y. De la T'as biche, pas ouais. eu une impression d'avoir une limitation supplémentaire ou. Alors, pour mon cas personnel, non. Par contre, j'ai deux amis, enfin deux proches à moi, qui eux ont vu radicalement leur façon d'utiliser Internet changer, car ils ont eu deux avertissements en fait de Adopi. Évidemment, ils Oui, parce utilisaient. qu'ils étaient. Oui, c'était le peer-to-peer, enfin. Ils étaient hors des clous, si on veut. Voilà, ça, avec le BitTorrent et tout ça. Donc, du coup, forcément, leur méthode d'utilisation d'Internet a changé en utilisant. Enfin, c'est des consommateurs, on va dire. Enfin, consommateurs. Ils utilisent beaucoup le peer-to-peer pour se procurer des films, des musiques de façon illicite. Enfin, vous vous en doutez, j'imagine. Et donc, du coup, évidemment, ils Ouais. ont vu leur méthode changer en utilisant ce qu'on appelle des VPN, tout ça, mais globalement, au niveau de la liberté sur Internet et de leur utilisation quotidienne, ça n'a pas réellement changé, comme la mienne n'a pas changé. Hein. C'est juste, t'as juste tué le Ouais. peer-to-peer finalement, en fait. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Enfin, pour certains, c'en est une, pour Oui, d'autres. tu es, on en est encore loin. Non, mais disons que ça a quand même. Il y a une chose qu'Adopi a fait, c'est surtout. A permis du moins en France, de booster énormément, de mettre en avant les services comme Mega Upload, Filfront et tous ces services-là. Exactement. Les Ouais, services ils ont payants. déplacé le problème. Et ça, c'est un terme que t'aimes bien aussi, Pedro Robert, mais méga upload. Ouais. Bah Ouais, oui, moi aussi. Adopi a déplacé le problème Puisque. Non, non, vers enfin, le ce que je veux dire, direct, mais c'est que c'est voilà. le. Vas-y, vas-y. Oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, enfin, ouais, je crois en fait que tu veux dire que c'est. Enfin, vas-y, mais co continue, mais je sais que tu es intervenu sur les forums à propos de méga upload également. Bah oui, parce que le problème, moi je vois le problème, si on se place du côté de la loi, strictement, entre guillemets. Le problème, c'est Ouais. que avec des lois comme Adopi, etc., l'internaute, il va réagir très vite. Hein, comme Master Panda l'a dit, Adopi est sorti, c'était déjà dépassé, quoi. Et Ouais. du coup, on en vient l'appareil législatif qui est dans son droit à l'heure actuelle, en tout cas, il en vient Ouais. à des lois et des mesures de plus en plus grosses, quoi. Là, avec SOPA, Ouais. on tranche dans le vif, quoi, comme je disais. Tout à fait. Ils peuvent carrément couper un... Ils peuvent demander la coupure d'un site internet qui n'est pas sur le territoire américain. Parce que le problème, évidemment, c'est que Mega Upload, qui est un site qui joue pas du tout le jeu la Ils légalité. sont taïwanais, je crois. Ouais, C'est c'est un ça. fondateur allemand, il me semble. Mais ils sont pas basés à Singapour, non? Singapour ou Taïwan, ouais, c'est un truc, c'est en Asie. Ouais, enfin bref, ils sont pas du tout, ils sont très hypocrites, ils jouent pas du tout le jeu de la légalité. Et t'auras Ouais. beau faire toutes les lois que tu veux, tu pourras pas si tu décides pas de couper l'accès de censurer entre guillemets le site, tu pourras jamais les Ouais. arrêter, quoi. Et Et c'est plus ou comme moins les en gens ne fait changent le pas, but de SOPA comme de les gens ne stopper changent pas Megaupload leur par habitude, exemple. ouais. Bah, je pense que c'est les sites comme ça qui ciblent. Tout à fait, c'est plus ou moins ouais, ce que tu avais dit également ouais, par rapport à ça. Que effectivement oui, toute cette loi SOPA, ouais, c'est pour tuer Megaupload éventuellement beaucoup plus rapidement quoi. Que par Bah oui, pas le des tuer, mais mesures qui ils vont le éventuellement couper, ouais. quoi, voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça. Et éventuellement, en plus, ce Le Megaupload, problème, il est qui, je le plus profond. rappelle, hein, pour situer, qui a fait dernièrement une pub, je crois, avec tous les artistes, enfin, pas tous les artistes, mais en tout cas, des artistes vraiment connus, qui, dans un espèce de clip, font l'apologie de Megaupload et du téléchargement, etc. Et voilà, bon, en tout cas, voilà, donc, par rapport à SOPA, c'est effectivement, oui. Et parmi les gens qui nous disent, ils ne pourront jamais le faire directement, c'est-à-dire fermer. Donc, ce genre de site visé, selon Pedro Robert. Alors, la biche, toi qui es intervenu Très peu, mais est-ce que justement tu veux dire autre chose ou Master Panda? Par rapport aux commentaires justement ben, de Pedro Bear et que nous avons en notre compagnie. Ouais, non, ça c'est sûr, le gouvernement américain ne pourra pas faire fermer le site, ça c'est sûr, ils pourront juste fermer les tubes, comme on dit, c'est-à-dire censure Internet, comme en Chine, c'est-à-dire on empêche les gens d'accéder au site. Simplement, comme je le disais tout à l'heure, enfin, n'importe. Bon, c'est sûr, c'est Contraindre les pas FAI, possible au. Voilà, les exactement. fournisseurs d'accès. Après, c'est la plupart, enfin, je vais pas dire les geeks, mais les gens qui savent se démerder avec un peu avec Internet sauront très bien trouver des parades pour pouvoir accéder à ces sites, comme le font les Ouais. Chinois, ou je sais plus en quelle dictature aussi, où Internet est censuré, comme c'était le cas en Libye, en Égypte, en Tunisie. Enfin voilà, c'était pas. Il y avait plein de sites qui n'étaient pas légaux sur lesquels les gens n'avaient pas le droit d'aller, et pourtant les gens y allaient. Juste, Ouais. il suffit de savoir chercher vite fait dans Google, et puis tu trouves très vite les tutoriaux pour accéder à n'importe quel site. Mais moi, quand j'habitais en cité universitaire, le réseau était fermé, c'est-à-dire que normalement on n'avait pas le droit d'aller sur des sites autres que pour étudier. C'est-à-dire, tu pouvais pas aller sur, Ouais. ben justement, Mega Upload, c'était interdit. Tous les sites de, on pouvait pas utiliser Emule ou le Torrent. On pouvait pas aller sur des sites porno, sur, enfin voilà, sur des sites de jeux vidéo en flash. Bon ben voilà, tu utilises un proxy et puis Ouais. c'est bon, ça y est. Hein. Et puis au bout d'un moment, ben, t'as tout ton immeuble qui est au courant parce que tu l'as dit à tout le monde comment fallait faire. Ouais, mais après, c'est pareil. Après, ils vont bloquer les proxys. Je veux dire, ils sont pas. Tu peux faire un VPN, tu peux crypter ta connexion, et demain ils peuvent décréter que t'as plus le droit de crypter ta connexion, par exemple. Oui, voilà, mais C'est justement, là, on pas. en revient donc à l'intitulé de base, enfin, c'est par rapport à la liberté d'Internet aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on Ouais, veut, mais la nous, ici? liberté, je veux dire, t'as. Non, La il faut pas liberté. oublier dans quel état d'esprit a été inventé Internet, quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, Bah, en c'est-à-dire, temps de enfin, guerre, donc. voilà. Ouais, enfin ouais, c'était la guerre froide, c'est sûr. C'était, mais il y avait une vraie philosophie derrière, c'est-à-dire savoir que les types qui ont inventé Internet, ok, c'était des gros geeks qui essayaient de programmer des jeux vidéo, qui ont créé Internet et tout, qui en même temps bossaient pour le ministère de la Défense américain et qui développaient des programmes nucléaires. Bon, ça, ok. Et justement, il y a ce paradoxe à la base, mais Internet, ça a été vraiment voulu comme un espace de liberté. Et à la base d'échanges d'informations totalement libres et décentralisés pour qu'il n'y ait pas de contrôle dessus. Aujourd'hui, en fait, c'est pas forcément les gouvernements que ça fait chier. Qu'à la limite, le gouvernement, il s'en fout. C'est les multinationales, c'est les grosses entreprises, enfin voilà, c'est les maisons de disques, c'est les boîtes de cinéma, c'est les boîtes de jeux vidéo que ça fait chier parce pour eux, il y a un manque à gagner. Et c'est uniquement à cause de ça. Et puis parce que les gens sont plus libres sur Internet que dans la vraie vie ou que dans les journaux. Par exemple, dans les journaux, n'importe quel journaliste aujourd'hui, dans n'importe quel quotidien, ne peut pas dire ce qu'il veut. Et ça fait très très longtemps que ça dure. Il peut pas dire ce qu'il veut. Sur Internet, en France en tout cas, ou aux États-Unis, ou dans ce qu'on appelle les démocraties occidentales, t'as le droit. T'as le droit de dire ce que Non. tu veux. Enfin, sauf à des trucs racistes et tout, nazis, pédophiles et tout. Mais Bah pour oui, moi, ça voilà. devrait être totalement libre pour moi. Si t'as envie de dire que Hitler c'était un type bien, bah dis-le, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu sais. Après, c'est ton problème, quoi. Si les gens sont assez cons pour te croire, il y a des gens qui trouvent que Sarkozy est un très bon président. Bon, bah voilà. C'est leur problème aussi, tu vois. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais leur interdire de le dire. Non, ils peuvent Ouais, dire ce qu'ils mais veulent. Internet, c'est un réseau militaire à l'origine. Je pense pas qu'ils avaient en tête Non, c'est un de réseau faire scientifique, c'est un un. réseau universitaire puis militaire. Ouais, je C'est pense pas qu'ils avaient universitaire à dans la la tête base. de faire Si, l'égalité de la. à la base, c'était universitaire. Et c'est Non, l'armée je qui sais l'a plus, très vite j'ai pas récupéré. l'histoire en tête. C'est l'armée qui l'a très vite récupéré. Mais de toute façon, Ah, c'est. Barry Legend, le dit très bien. Le point Le point Godwin. Godwin, ah ouais. En tout Ouais, cas, bah voilà. mais il y en avait déjà eu un avant avec Goebbels. Et Nous en sommes à deux. ouais. 2-0. Allez hop, on continue. Et Ballon sans bah donc retour. voilà, donc si la biche voilà, si la biche n'intervient pas une nouvelle fois, nous allons passer au commentaire suivant, qui sera l'avant-dernier commentaire, normalement. Non, c'est Donc bon, la biche m'autorise ou pas? je suis globalement D'accord. d'accord avec ce qui a été dit. Enfin, en partie, parce que c'est vrai que le problème se pose, c'est-à-dire la liberté d'expression totale ou pas, mais c'est un autre sujet, ça. Donc je vais éviter de m'étendre là-dessus. Honnêtement, je suis pour une liberté d'expression, mais régulée, totale, ça me pose quelques problèmes. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, hein, dire que Hitler est un mec génial, honnêtement, moi, ça me rebute. Évidemment, certaines personnes, bon, pour le coup, ça va faire un troisième point Godwin, mais pour le coup, moi, ça me choque un petit peu et je trouve que. Voilà. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est juste pour donner mon point de vue là-dessus. Ok. Enfin, en tout cas, ben, je remercie Pedro Robert s'il nous écoute. Et ensuite, commentaire suivant. Donc, qui sera lui, commentaire de la Danette du 94, qui était déjà passé dans cette émission, en tout cas au travers d'un commentaire, qui dit juste pour dire qu'avec cette On va loi, se lever donc. les personnes qui gagnaient leur vie grâce à des vidéos sur Internet en citant des œuvres privées perdraient leur travail, entre guillemets. Je pense que là on peut mettre aussi des guillemets. Pour ceux qui connaissent plus de Nostalgia Critique, plus de Angry Video Game Nerd, plus de CNNers, pour comparer, si une telle loi était adoptée en France, des gens comme le joueur du grenier perdraient leur travail. Et là je mets encore des guillemets pour dire travail, puisque voilà, ils sont juste. Voilà, ils font ça plus ou moins. Enfin voilà, je pense pas qu'ils gagnent vraiment leur vie grâce à ça. Et donc se feraient censurer. Car leur vidéo cite des œuvres privées. Et donc, pour faire plus simple, par rapport au public de e-live, il n'y aurait plus de Ken Bogard, tout simplement. Enfin, Ken Bogard ne pourrait plus faire des Exactement. commentaires sur des vidéos Il n'y de aurait plus Street personne, il n'y Fighter, aurait plus de etc. vidéo YouTube, il n'y aurait plus rien, quoi. Alors, effectivement, est-ce que là, l'exemple qu'a donné donc la Danette du 94, c'est l'application, en tout cas, si on veut comme ça donner un exemple frappant. Est-ce que c'est le meilleur exemple que l'on puisse donner, que l'on puisse justement utiliser auprès de la communauté des joueurs, des gamers, etc. quoi. Est-ce que ça peut ressembler à Écoutez, ça, un monde avec SOPA appliqué? sur le papier, si tu t'en tiens au texte strict, c'est ce que je disais tout à l'heure à Canopy et le Minitel, quoi. On est dans l'exagération. Ouais. Parce que déjà, de un, ils vont devoir quand même passer par une décision judiciaire pour faire fermer le site. Ouais. Et de deux, je veux dire, si demain Capcom. Quel est l'intérêt pour Capcom demain de dire à Ken Bogard, t'arrêtes tes vidéos? C'est vrai. Tu vois, Mais c'est vrai que bah l'une des aucun. questions seulement que pose la Danette À du part pour 94 à être son travers son image de commentaire. marque, quoi. Ouais. Ouais, mais voilà, donc Ouais, tout à à la fait. limite, dans ce cas-là, ce serait qu'il y aurait juste une tolérance envers ces pratiques. C'est-à-dire que Mais c'est déjà le peut-être cas, hein. légalement ça serait interdit, c'est toléré. Oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mais bon, c'est voilà. Après, s'il y a une loi comme ça, bon, je rappelle que la loi, c'est juste aux États-Unis, hein, pour l'instant. Mais bon, voilà, ouais, je sais plus trop quoi dire. Vas-y, Mais en fait, continue. c'est vrai que la question que pose un peu la Danette du 94, à travers, enfin, c'est vrai qu'il cite plein d'émissions, etc. Et nous, on cite Ken Bogard, puisque c'est quelqu'un qui est sur live et qui est même spectateur et qui était spectateur. Là, il est juste parti faire des préparatifs. Alors, donc, dans l'idée, c'est vraiment, ouais, mais sur Internet, qu'est-ce qui finalement n'appartient pas à quelqu'un? C'est un peu l'idée, quoi. C'est que, enfin, je dis n'appartient pas à quelqu'un, je comprends bien que des blogueurs puissent éventuellement créer leur propre contenu avec leur texte, etc. Tu vois. Mais c'est vrai que sur Internet, quand même, il y a, et c'est plus ou moins le but, c'est que c'est un mix aussi de plein de choses qui nous appartiennent pas éventuellement. Et je pense un peu même à eLive, hein, puisque sur eLive, c'est un peu le principe aussi de prendre des trucs à droite à gauche et de donner une valeur ajoutée encore à ces trucs-là, quelque chose qui est, enfin, en tout cas, là, voilà, là, le Mais tout est supérieur à la somme des parties, si on peut dire. Et c'est ça, en fait, la question, c'est où est-ce qu'il faudra frapper si éventuellement on donne ce droit, hein, que cette loi est appliquée. Ben, tout Internet serait finalement exposé dans voilà. Pedro, c'est ce oui, qu'aux États-Unis ils appellent le fair use, vas-y. Ouais. donc l'utilisation juste, on va dire pour Ouais. traduire grossièrement. C'est-à-dire Ouais. que si tu postes une vidéo si tu filmes ta cuisine ou je ne sais pas quoi, si t'as la radio qui tourne dans le fond, bon, en théorie, ils sont pas Ouais. censés t'attaquer parce que t'as une musique qui tourne dans le fond, tu vois. Ou si tu testes Ouais. un jeu, sauf contrat spécifique avec le développeur qui te fournit une copie en avance, donc qui est sous contrat. Ouais. C'est entre guillemets normal de pouvoir montrer de quoi tu parles. Oui, mais ils Et pourraient t'attaquer. même si historiquement il y a eu des tentatives d'abus, je crois pas qu'il y ait, il me semble pas qu'il y en ait qui aboutit réellement de la censure. Mais en fait, c'est justement, puisqu'on cite les Ken Bogart et je sais pas quoi, et les vidéo game, et les Angry Video Gamers, etc., c'est. Et même Hooper, hein, qui est cité sur le chat, c'est dans l'idée, c'est bien de dire fair use, mais justement, est-ce que ce serait pas de dire, tiens, finalement, je sais pas, Ken Bogart, hein, commente du Street Fighter 4, mais un jour, je sais pas, il commente du BlazBlue, qui sont donc des jeux de combat, et finalement, Capcom n'est pas content de le voir commenter du BlazBlue. Et dit, bon bah finalement, Ken Bogart, au final, ses commentaires de vidéos de Street Fighter 4, ils sont pas si fair use que ça. C'est plus ou moins le. Voilà. En tout cas, on est peut-être dans une paranoïa, mais c'est plus ou moins l'idée que se font aussi les gens par rapport à ça. Bah, ils sont C'est que c'est très là subjectif en l'état finalement le fair actuel. use. Voilà. C'est Ouais, mais trop en subjectif l'état actuel, peut-être. ils seraient obligés de l'argumenter devant un tribunal et Ouais. ils auraient du mal à justifier de couper Ken Bogard et pas les autres. Ouais. Et de plus, ce serait se tirer une balle dans le pied au niveau image, parce que ils peuvent pas interdire à Ken Bogard de dire bah Capcom censure quoi. D'accord, effectivement. Bah alors, justement, si Master Panda ou la biche souhaite répondre à. Enfin, en tout cas, voilà, rebondir sur la remarque de la Danette du 94, qu'ils y aillent. Non, moi je suis globalement je suis d'accord avec, avec ce qu'il dit. Hein. Et puis, bah, comme le disait Pedro Beer, bah ouais, c'est. À la limite, il pourrait le faire. Capcom, il pourrait attaquer Ken Bogart Ouais. pour. Enfin non, c'est même pas Ken Bogart, parce qu'en fait, là, il l'utilise par l'intermédiaire d'e-live, c'est-à-dire des vidéos YouTube. Donc à la limite, ce serait les joueurs qui ont enregistré des matchs. Des combats et qu'ils ont enregistrés, qu'ils ont filmés, qu'ils ont balancés sur YouTube, c'est eux qu'il faudra attaquer. À la limite, c'est pas Ken Bogart. Ouais. Mais bon, vu qu'ils se font pas de thunes derrière, Et il n'y même, a pas c'est de peut-être raison. le site À qui mon a avis, si hébergé Ken ça. Bogart, il faisait C'est un payer peu ses l'idée visions, de la SOPA. voilà, c'est même YouTube qu'il faudra En fait, attaquer, quoi. c'est vrai. C'est vrai que dans Donc, l'idée, avec Adopi, on attaquerait Ken Bogart, c'est ça? Mais avec SOPA, on attaquerait YouTube. C'est ça un peu l'idée. ouais, mais je crois pas qu'ils vont se mesurer à YouTube. Ils ont pas les moyens, enfin YouTube c'est Google. Je crois qu'il n'y a pas Ouais. grand monde qui a les moyens de s'attaquer à Google non plus aujourd'hui quoi. Et en plus Google, Donc qui d'ailleurs, hein, puisque même si nous avons cité Sony et que nous avons cité aucune autre entreprise réellement, il y a des entreprises en fait qui sont, enfin des entreprises justement qui ont pignon sur rue, qui s'opposent à cette loi SOPA et qui s'opposent, en tout cas voilà, enfin qui se font entendre sur le sujet. Et Google en fait partie justement de ces personnes, tout comme Yahoo, tout comme Lindelkin, Mozilla. Facebook, eBay, AOL et Zynga, des jeux Facebook, voilà, qui sont activement, voilà. Et Et eux, ils tout ont comme Apple et Microsoft ne sont pas, en tout cas, ne se prononcent pas, mais sont plutôt neutres vis-à-vis de ça. En tout cas, en termes d'image, ils sont neutres. mais ouais, en termes d'image, c'est sûr, c'est différent. Mais Google et tous les autres, ils ont d'autres intérêts à défendre. Eux, c'est leur business, un peu, si tu veux. Si tu leur interdis de mettre des vidéos d'œuvres privées et tout, leur business il s'effondre un peu. Donc, eux, ils ont d'autres intérêts à défendre aussi. Hein. Donc, voilà. C'est sûr, après, quand tu as des intérêts contradictoires, de quel côté tu te places? Toute façon, ils vont pas attaquer YouTube, sachant que c'est une plateforme qui est. Ils ont passé des accords avec eux. C'est sûr qu'au début, ils étaient un peu. C'était un peu des cow-boys, quoi. Maintenant qu'il y a de la pub dessus, c'est bon, quoi. Mais maintenant, ils ont instauré de la pub. Je veux dire, YouTube, ils ont été honnêtes dans leur démarche. Ouais, Quand c'est ils ont dit sûr. ce qu'on demandait de réguler un petit peu, ils ont mis en place des systèmes qui détectent automatiquement les musiques, etc. Alors parfois c'est un peu chiant parce que tu peux pas voir une vidéo dans ton pays à cause du son, ou ils désactivent la piste son, parce qu'il n'y a pas les droits, etc. Mais Google, ils ont pas été hypocrites, quoi. Je veux dire, ils ont fait le boulot. Ah oui, non, c'est sûr. Bah, ils savent où sont leurs intérêts de toute façon. Contrairement à un site comme Megaupload. Ouais. Mega Upload, ouais, mais eux, ils s'en foutent un peu, quoi. L'important, c'est que les gens y prennent des abonnements, et puis voilà, quoi. Même leur offre gratuite, c'est fait pour inciter les gens à prendre des abonnements. Et dans ce cas-là, ils se font de la thune. Parce que, à la limite, le seul service qu'ils proposent, c'est un service de stockage. Après, c'est les gens qui mettent des films ou des vidéos qui les proposent aux autres. Ah oui, Donc, ils les laissent à disposition des autres, qui leur donnent le lien. Tiens, va télécharger. Et en plus, la personne qui upload le fichier en question, que ce soit un film, une musique ou quoi que ce soit, gagne de l'argent derrière. Donc là, c'est vrai que le système est un peu vicieux. Il peut être vicieux. Mais bon, voilà. Après, c'est un système comme un autre. C'est un business model qui fonctionne. Ça, c'est sûr. mais qui fonctionne du travail des autres. Ah oui. Ah, il C'est là le fonctionne du travail problème. des autres. C'est que la personne, oui, qui met 24 heures à uploader son film ou quoi que ce soit. Et après, bah, il va avoir un mois gratuit parce qu'il y a genre 1000 personnes qui ont téléchargé son film. Bah, il est content, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Non, Après, mais je c'est sûr parle que. de. Ce que je veux Ah, dire, du c'est que travail le des autres, méga c'est. upload fait de l'argent sur les sur le... ceux qui font de la musique, des du cinéma, des jeux, etc. Leur business principal, c'est juste, enfin, eux, ce qu'ils font, c'est juste proposer un espace de stockage. Après que les gens, ils y foutent des films, de la musique ou autre chose. Oui, Aujourd'hui, mais c'est utilisé comme ça. Demain, c'est ce ça que peut je dis, être utilisé ils sont autrement. hypocrites parce que Oui, tu bah, peux c'est une faire boîte. tu C'est une peux faire non, entreprise, c'est non. normal. Ouais, mais Ils sont hypocrites. YouTube aussi c'est une boîte et ils sont pas hypocrites comme Si, Megaupload. comme tout le monde, comme Google et tout. Si Google te donnait, disait à tout le monde leurs véritables intentions, les gens, ils iraient plus sur Google. Non, ben non, parce que Google une vidéo a une musique de fond et tout le monde a déjà dû voir, hein, tu peux pas la voir le message, cette vidéo n'est pas disponible dans votre pays. Tout à Bon fait. bah la vidéo n'est pas disponible dans son pays, et si tu fais une autre vidéo avec la même bande son, elle sera pas disponible dans le pays. Mega Upload, si tu signales un fichier, le gars il peut remettre le même 5 minutes plus tard et il sera bon. Ouais, c'est sûr. Ils sont pas Mais ils sont pas ils sont pas honnêtes. ils sont pas basés dans le même pays, c'est pas la même législation non plus. Et donc ils jouent sur ça. C'est pour ça qu'ils sont à Ouais, Hong bah c'est Kong, pour ça hein. qu'ils fonctionnent pas. Hein. Donc voilà. Next. Ben voilà, en fait, next et normalement last, d'accord. Ben donc je remercie, là je vais remettre juste ce commentaire. Je remercie la Danette du 94. J'espère qu'il se sera senti compris. Et maintenant donc dernier commentaire, c'est donc toujours hein, sur le forum gameblog.fr. Ben, c'est seulement une image, quelqu'un qui n'a pas commenté mais qui a mis juste une image. C'est Adelazi de gameblog donc.fr. Qui a mis cette image, qui donc est la couverture du journal Le Monde Libertaire, et qui dit Vive l'anarchie. Et bon, après, bon, pour définir un peu l'anarchie, c'est bon, voilà, c'est on va dire que c'est le déni de tout ce qui des institutions déjà qui représentent une forme d'autorité. Voilà, et donc laisser les individus un peu s'autogérer, etc., etc. Et donc c'est plus ou moins ce qu'est Internet pour l'instant, L'anarchie, d'accord? c'est C'est l'ordre sans quelque chose l'autorité. où, enfin après, reprenez-moi hein, si je me trompe, mais c'est effectivement donc, ouais, mais enfin c'est l'ordre qui doit arriver parce que les gens savent se contrôler au bout d'un moment, c'est ça le Non, mais truc c'est quand même. comme ça que ça a été. Non, oui, mais non, mais bon, moi j'adore cette image, je la connais depuis un bout de temps. Voilà, après elle a été faite dans un autre contexte, mais c'est sûr, mais le Internet a été créé dans cette philosophie-là. C'est une Oui. philosophie libertaire. Les gars qui ont inventé Internet, c'était des gars qui étaient contre toute forme d'autorité, contre la hiérarchie et tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé Internet de cette manière. Aussi, Oui. en disant au gouvernement américain, au ministère de la Défense, si on décentralise et tout, il n'y aura pas de. Genre, si les Russes nous attaquent, il n'y aura pas un point central à attaquer. Mais justement, comme c'est décentralisé et qu'il n'y a pas un point central, on ne peut pas le détruire d'un seul coup. Mais c'est comme ça qu'il a été voulu. Je vous renvoie des. Enfin, renseignez-vous, lisez des bouquins sur l'histoire d'Internet, de l'informatique et tout. Les gars qui ont inventé les ordinateurs, l'informatique et Internet, c'était des vrais anards. Aujourd'hui, les hackers et tout, c'est ça. Et c'est pas d'autres que des hackers qui ont créé Internet, hein. C'est pas d'autres que des hackers, c'est pas des businessmen qui l'ont créé. C'est pas des scientifiques, voilà, c'est pas le gouvernement et tout, c'est des hackers. Il y a une philosophie derrière ça. Il n'y avait pas d'intention de business, de faire de la thune, de contrôler les gens et tout. Non, au contraire, l'intention première, c'était la liberté. C'était liberté de circulation de l'information. L'information, c'est le pouvoir aujourd'hui. Dans les années 50, ils le savaient parfaitement. Donc Donc si nous avons l'information elle est libre et elle circule librement, avec nous c'est mieux pour les gens. un Xème intervenant, en l'occurrence MK, donc qui est aussi le fondateur de eLive. Je te présente Labiche, Mastermoda et Pédambert, MK, qui te salue en retour et qui te souhaite une bonne année. Alors vas-y MK, Ah, salut. si vous Salut les gars. voulez, vas-y donc précision alors. Je vais juste retarder mon prochain casque parce que il est déjà retardé, mais je vais le re-retarder parce que je sens que comme on parle internet, ça m'intéresse, je vais en parler un peu. Et vu que c'est un peu mon métier aussi. Alors, par rapport à la précision, c'est vrai que internet, ce qu'on connaît aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées, qui ont été créées, qui ont été développées par des gens ayant une vision très très très très libertaire, libéral, tout ce qui va avec la liberté au fond de choses, mais Internet de base a été inventé surtout pour servir l'armée, parce que c'était enfin faut se remettre dans le contexte de l'époque, il y avait la guerre froide, on était du moins les États-Unis étaient complètement parano, comme un peu le monde entier, et ils se sont dit bah si on met les fichiers importants, tous les fichiers importants dans le même panier, bah si le panier se fait voler, bah on l'a dans le cul. Et donc du coup, ils ont commencé à essayer de réfléchir sur un système où on peut répartir les fichiers, ce qu'on appelle le format étoile, sur des différents serveurs, notamment dans les campus américains. Je crois qu'il y a eu des travaux qui ont été faits aussi à l'université de Berkeley. D'ailleurs, je crois que l'une des premières connexions établies de téléchargement était entre Berkeley et UCLA. Et c'était vraiment ça, le Internet. Ça veut dire qu'il faut on confond, enfin, on fait toujours beaucoup l'amalgame entre la liberté et Internet, mais avant tout, Internet, c'était pour servir l'armée, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, on parle aussi tout ce qui est, enfin, Internet est aussi très, très lié à la culture du hacking, du phreaking, etc. Vous avez sûrement entendu ces mots-là, que ce soit les gens qui sont derrière les barreaux ou que ce soit les grands CEO comme celui qui vient s'éteindre, Steve Jobs, ils sont tous essayés à du hacking, peut-être de bas niveau pour certains, mais par exemple Steve Jobs, il est connu pour avoir réalisé une blue box lorsqu'il était encore étudiant. Mais pourquoi? Je pense qu'il faut encore une fois se remettre dans le contexte de l'époque. Internet, tout le monde s'en foutait à l'époque. Et quand je dis à l'époque, c'est à l'époque de quand Steve Jobs lui-même était un étudiant. Internet, c'était tout petit. Il n'y avait pas de business. Il n'y avait aucune société qui pouvait avoir une vision assez lointaine pour se dire, putain, un jour, il y aura une boîte qui va valoir des milliards parce qu'il y a des gens qui sont connectés dessus et qui vont lurquer sur ses amis. Et c'était impossible d'avoir cette vision. Et du coup, il y avait Internet, qu'est-ce que c'était? C'était un endroit où on était une petite communauté et on s'échangeait des informations parce que c'était rapide. Et surtout parce que c'était gratuit. Téléphoner, c'est bien, mais quand tu vas raconter, enfin pour envoyer tous les fichiers d'un, je sais pas, tu es en train de faire un jeu et il faut envoyer les fichiers à ton pote, bah téléphoner c'est pas très pratique, parce que lire les lignes de code c'est pas très pratique. Donc il y en avait qui faxaient, mais faxer ça coûte beaucoup, ça coûte très très cher, surtout quand c'est long. Donc les emails à la base c'était utilisé aussi pour ça. Alors d'ailleurs en parlant d'email, c'est très marrant parce que moi quand j'ai commencé à faire joujou avec Internet, mon email c'était nom du PC at mon IP. Et quand mon ordinateur était éteint, quand quelqu'un m'envoyait un email, bah ça pingait et ça pongait pas. Donc c'est comme si le mec il toquait à la porte et je suis pas là, bah tant pis. Et donc il retoque. Et dès que je suis allumé, bah là il toque, bah je recevais le truc. Et il y avait un sens, il y avait un vrai sens quand on réfléchit comme ça à la base d'Internet. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon adresse email c'est le mien. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup, notamment des Français, qui parlent de Minitel 2.0 au lieu d'Internet. Parce que quand vous allez sur. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens utilisent Gmail ou Hotmail, mais quand vous réfléchissez, ça ne veut pas dire grand-chose. Où sont mes emails? Ils ne sont pas chez moi, ils sont sur un serveur central ou sur le cloud quelque part. Et du coup, et là, on revient vraiment au point central de la liberté, à ce questionnement sur la liberté. Qu'est-ce qui se passe si les États-Unis, je ne sais pas, le FBI par exemple ou la CIA, va voir Google et leur dit, écoute, Bah, j'aimerais que vous dévoiliez tous les emails, je veux télécharger tous les emails qui ont été envoyés par X à Y. Et ils sont l'autorité. Tes emails ne sont plus à toi, sont à eux. Tes emails ne sont pas sauvegardés chez toi, sont sauvegardés chez eux. Et là, ça, on est en train de poser un vrai problème sur toute la philosophie d'Internet. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi un peu l'affaire, ça s'était vraiment passé en Chine. Le gouvernement chinois allait voir Google en disant, bah écoutez, je veux les emails des dissidents chinois. Et ils ont tout donné. Et c'est pour ça que je trouve que ce cas est très intéressant. Enfin, je viens juste d'arriver, mais bien entendu, je suis arrivé parce que j'ai vu Anonymous, qui est, même s'ils sont imparfaits, il y a beaucoup de choses que je respecte énormément dans ce qu'ils font. Et Merci. même si c'est très, très, très, très, d'un point de vue, enfin, je pense que c'est un point de vue très romantique qu'ils ont, je ne pense pas que c'est réalisable ce qu'ils veulent vraiment faire. Leur but n'est pas on peut pas atteindre parfaitement leur but, mais j'aime cette vision romantique d'Internet parce que pour moi, il y a un, je veux pas dire de conneries, je sais pas si c'est Jade Lang ou en tout cas c'est un ministre français qui a un jour déclaré avec la loi d'Hadopi, il a déclaré on va arrêter, il ne faut pas qu'Internet soit entre les mains de l'utopie libertaire de certains. Mais il n'a rien compris. Mais il n'a rien compris parce que Internet est justement la définition même de l'utopie. C'est le seul endroit au monde où cette utopie libertaire, comme il l'appelle, peut encore exister. Et je défendrai ce point de vue jusqu'au bout. Et notamment avec Live. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. C'est vrai que Même cas, Simken si n'avait pas pu Masterpanda passer qui Live. parle, hein. Vas-y, Masterpanda. J'avais un peu peur au début quand t'as parlé de l'armée et tout, machin. J'étais, oh là là, où est-ce qu'il va? Mais là, bah, tu vois, respect plus 10 000. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Voilà. Non mais je veux dire, enfin je parlais de l'armée parce que j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César et Non, il c'est faut vrai. pas, voilà, donc il faut pas minimiser, il faut d'ailleurs Internet aujourd'hui tout le monde parle de la Silicon Valley, tout le monde parle des entreprises comme Facebook, comme Google, comme eLive, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les Français ont fait énormément, les Européens du moins ont fait énormément de choses pour Internet. Les liens hypertextes viennent de la BBC, l'Internet, le web tel qu'on connaît vient aussi des travaux qui ont été faits au CERN. Au CERN ou au CRS, j'ai oublié, je suis vraiment désolé, mais voilà, il y a eu Internet n'est pas totalement américain. Le développement, en soi, la genèse de l'idée vient des États-Unis, bien entendu, comme beaucoup, beaucoup de choses de notre époque, mais les Européens ont fait énormément de travail, énormément de recherches. Ouais, du CNRS, oui, bon, bah voilà, donc le CNRS a énormément contribué au web. D'ailleurs, la première page web 3W est encore disponible et encore accessible. Alors je crois que c'est www.3w.com ou un truc comme ça. Donc vous pouvez regarder les travaux qui ont été faits à l'époque. Et c'est pour ça que ce que j'ai eu la chance d'avoir assisté à un débat entre vie privée et vie publique, notamment entre en fait c'était un clash en différé entre Zuck et le fondateur de 4chan que j'ai oublié son nom d'ailleurs. 4chan qui est bien entendu la copie conforme de 2chan, la version japonaise, mais le fondateur de 4chan a une vision beaucoup plus lointaine et beaucoup plus philosophique que les fondateurs japonais. Et ce que défend le fondateur de 4chan, c'est justement il le dit, on ne peut pas avoir de liberté si justement on n'a pas le droit d'être anonyme. Et je trouve c'est tellement, enfin, du moins, je sais pas si c'est vrai, mais du moins, moi, je pense comme ça. Et c'est pour ça aussi, sur eLive, vous avez le droit d'être anonyme, vous avez le droit d'avoir votre propre pseudo. Bravo. Oui, mais En tout ce cas, c'était. Vas-y, vas-y. Pedro Robert, oui. Est-ce qu'on est réellement, pour prendre l'exemple d'e-live, puisque tu es là justement, dans quelle mesure tu es anonyme sur e-live? C'est-à-dire si demain quelqu'un fait un cast sur l'apologie de je ne sais quoi, on va pas refaire un point Godwin. Hein. Si les autorités viennent te voir, à quel point tu es anonyme? Alors, je pense qu'il faut définir ce qu'on entend par anonyme. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il existe réellement un système full anonyme. C'est-à-dire que il a été démontré que même BitTorrent, du moins dans la version actuelle, n'est pas ne permet pas d'avoir un total anonymat. On peut encore retracer du moins les IP, c'est assez facile, mais on peut aussi remonter à la source. Et bien entendu, sur eLive, si vous parlez d'anonymat, si pour vous l'anonymat, c'est que nous, du moins moi et mon équipe, ne disposons rien sur vous, c'est faux. On dispose de tout sur vous. On sait exactement ce qui se passe sur eLive. On sait exactement qui est qui, du moins par rapport à son IP, mais et si on trace cette IP, on peut aller très très loin. Et d'ailleurs, on a aussi une culture, on vient de la culture hacker chez eLive, et donc, bien entendu, on dispose d'énormément d'outils. D'un côté, c'est pour les metrics, donc pour faire joli devant nos investisseurs, pour leur dire, regardez, on a des jolis chiffres. Et de l'autre côté, on récolte aussi des données sur vous que nous n'utilisons pas encore, qui sont laissées de côté pour un jour, je ne sais pas, écrire l'histoire, pour regarder, revenir historiquement sur ce qui s'est passé eLive et pour nous mieux comprendre votre utilisation. Mais ça sert qu'à ça pour l'instant. Après, la question de l'anonymat, pour moi, ce qui est très important, c'est quelle est la responsabilité de la personne qui, justement, a ces données. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que la question, c'est pas s'il y a une personne au monde qui dispose de ces données. Non, la question à se poser, c'est qu'est-ce que la personne qui dispose de ces données va faire, va-t-elle faire? Et ça, c'est très, très important. Et moi, je défendrai toujours cette idée que si quelqu'un vient me voir parce que elle veut, je sais pas, trouver les données, utiliser les données de quelqu'un sur eLive, si ce n'est pas justifié. Et ça veut dire quoi si ce n'est pas justifié? Tout simplement, subjectivement, et je dis vraiment subjectivement, ça veut dire selon moi, si ce n'est pas justifié, mais n'aura pas. Maintenant, et c'est là que vous sentez le danger, ça veut dire que au fond, il y a de la subjectivité. Donc, comment se priver de cette subjectivité? Comment rendre cette subjectivité moins dangereuse? Tout simplement en détruisant certaines données que nous pourrions avoir. Et c'est pour ça que sur eLive, énormément de données que nous récoltons automatiquement, nous les détruisons automatiquement la millième ou la seconde après. Justement pour que nous ne puissions pas, même s'il y a quelqu'un qui vient, même s'il y a le FBI qui vient demain nous voir, on leur dit, écoutez, on veut bien vous filer les clés du serveur, mais il n'y a déjà plus rien. Moi, je dis que c'est d'être très bonnes intentions. Enfin, c'est vraiment très bien. Après, il ne faut pas oublier aussi la responsabilité des casteurs, par exemple, ou des membres du chat. Ça, c'est sûr. Exactement. Il ne faut pas oublier que les gens, enfin voilà, on est en France, il y a des lois aussi, notamment par rapport au racisme, machin, toutes les conneries comme ça. Et donc, ouais, il y a des limites à ne pas dépasser. Ça, c'est sûr aussi. Et donc, voilà, c'est la responsabilité de chacun aussi. Ce n'est pas parce qu'on Internet, on en est libre. On peut être anonyme, c'est bien, mais on ne doit pas être irresponsable non plus. Oui. Mais là, ce que tu veux dire, c'est anonyme publiquement. Publiquement, bien sûr. Mais bon, de toute façon, même si t'as un pseudo, ton pseudo peut être connu. Enfin, voilà, mais il y a plusieurs. Ouais, mais je veux dire, on peut pas remonter à toi. Il y a plusieurs si niveaux. Si quelqu'un le veut, il peut toujours le faire. Hein. Ouais, mais il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs niveaux d'anonymat. Il y a plusieurs niveaux d'anonymat, mais moi, ce que je pense que c'est important, c'est justement déjà de un par rapport au user experience, donc au UX, c'est de pouvoir donner déjà au premier niveau la possibilité de se entre guillemets se cacher. Mais c'est même pas entre guillemets se cacher. Pour moi, j'ai eu ces discussions avec des gens de Facebook plutôt haut placés, mais aussi avec des développeurs de base. Et je leur ai Et pour moi, ce que je trouve que Facebook ne font pas, c'est je pense que Facebook ne comprend pas, mais vraiment ne comprend pas, un point très, très important d'Internet. C'est qu'en forçant les gens à dévoiler leur vraie identité, ce n'est pas rendre service, c'est priver de la liberté de pouvoir vivre une vie que nous avons choisie. Et ça, je pense que c'est très important sur Internet. Pourquoi on joue aux jeux vidéo? Pourquoi on lit des livres? Pourquoi on est sur des MMO? Et pourquoi on sort sur Internet et on s'inscrit avec un pseudo sur un forum? C'est parce que nous voulons choisir, pour une fois, ce que nous voulons. On ne choisit pas où on est. On n'a pas choisi pour beaucoup notre nom et notre nom de famille. Alors sur Internet, je pense que nous avons le droit de le faire. Si j'ai envie de m'appeler Batman, parce que je pense que je suis grand, musclé et que j'aime me déguiser en noir, j'ai le droit et je dois avoir le droit de m'appeler Batman et de roleplay Batman. Et je pense que ça, c'est essentiel. Sur Facebook, nous n'avons pas le droit de faire. Sur Facebook, tu t'appelles Jean-Michel Jarre, tu t'appelles Jean-Michel Jarre toute ta vie et partout. Et je trouve que c'est complètement idiot. Et je pense que c'est mal comprendre Internet. Et c'est pour ça que ça pose des. Mais d'un côté, Facebook, les gens de Facebook, ils disent bien, ils font ouais, mais si vous avez tous des anonymes, comment on peut savoir si c'est vraiment vous? Et donc, ça pose des problèmes. Regardez Mythic, regardez les autres services payants avant Facebook, il y avait plein de problèmes. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais encore une fois, et ça je le dis toujours, ce n'est pas parce qu'il y a un problème, même majeur, que nous devons sacrifier notre liberté. Oui, Facebook ne fait pas loi. Je veux dire, une chose où je suis pas vraiment ce qu'ils veulent chez eux, et, ça n'empêche pas d'être anonyme sur d'autres sites. Mais le problème, c'est que quand tu as la plupart des services qui vont commencer à utiliser du Facebook Connect, parce que ouais, nous allons vers quoi? Nous allons vers un monde sur Internet où de plus en plus de sites n'auront même plus leur login à eux. C'est-à-dire que lorsque tu vas vouloir déjà utiliser un service, il va te demander un login Facebook. Comment fais-tu dans ce cas-là? Comment fais-tu lorsque tu arriveras au jour où tu n'as plus le choix de t'appeler comme tu veux? Si je veux m'appeler, comment il s'appelle, Pedrobert, j'estime avoir le droit de m'appeler Pedrobert. Parce que c'est moi qui l'ai choisi. Je pense que c'est important. Moi, j'ai un compte Facebook que j'utilise pas personnellement. Je développe des sites internet des fois. Je l'utilise juste pour tester. J'utilise un pseudonyme dessus. J'ai pas mon vrai nom. Hein. Et donc ouais, mais ouais. Même si c'est pas ce qu'ils préconisent. Pour mettre un pseudonyme sur Facebook, c'est chaud quoi. Genre ouais. Moi, bon, avant j'avais mon vrai nom, mon vrai prénom. Puis j'ai voulu changer. Filtre, bon, même si je sais que Facebook là et tout a toujours mon vrai nom et tout. Moi j'ai voulu changer pour les autres aussi. Et bah putain, j'ai dû galérer pour mettre un truc qui ressemble à Master Panda, tu vois. Tu peux pas mettre Raptor Jesus par exemple. Yeah. Ouais. Mais je vois sur le chat, il y a Badass qui me demande si je veux m'appeler avec un pseudo raciste. Est-ce que j'ai le droit? Mais bien entendu, tu as le droit. Mais bien entendu, tu as le droit, mais attention, tu as le droit dans le sens où le système va te laisser de le faire, mais tu as aussi ta responsabilité. C'est-à-dire que tu seras alors responsable de ce pseudo. Et donc tu seras responsable, et donc tu vas devoir assumer tes responsabilités. Donc si un jour ce pseudo raciste pose problème, alors tu seras confronté devant la justice. Et ça, c'est important. Et je pense que beaucoup de gens qui réclament la liberté oublient à quel point c'est aussi important d'aller de pair avec la responsabilité. Beaucoup de gens se questionnent sur quel serait un Internet adulte, quel serait le jeu vidéo adulte. Vous savez, ce genre de débat à la con qui existe toujours. Mais c'est très simple. Quand est-ce qu'on devient adulte? Lorsqu'on apprend à être responsable. Et donc juste une question comme ça, des sites comme le dernier site de Tadei, enfin Frédéric Tadei, comme Newsring, pour toi est-ce que c'est vraiment un frein à la liberté ou pas? Alors je connais pas du tout ce site, est-ce que... Ouais, en fait c'est un site qui demande justement, c'est un site qui permet d'ouvrir le débat, mais qui justement requiert en fait ses identifiants Facebook. En fait si tu veux, l'inscription à ce site se fait par une passerelle entre Facebook et le site. Ouais. Mais est-ce que pour toi, c'est un frein à la liberté? Enfin, est-ce qu'utiliser son vrai nom, c'est aussi se priver de sa liberté? Parce qu'il y a aussi des gens qui veulent utiliser leur vrai nom. Je pense que la question ne peut pas être répondue de cette manière. Du moins, ta manière de poser la question ne me permet pas de donner une réponse. Ah. Je pense que la question à se poser, pour moi, là où je peux t'apporter une réponse, en gros, c'est si nous n'avons plus le droit, si nous n'avons plus l'espace et de nous appeler comme nous voulons, dans ce cas-là, oui, ça sera un frein à la liberté. C'est-à-dire que si toi, tu désires mettre ton vrai nom, mettre ta carte d'identité, mettre ton numéro de carte d'identité, comme font les Coréens, pour pouvoir débattre, si c'est toi qui l'as choisi, alors non, ce n'est pas un frein à la liberté. Mais si tu ne l'as pas choisi, si on te l'a obligé à le faire, alors ça sera un frein à la liberté. Ensuite, sur Internet, ce qui est génial, c'est que C'est glocal, voilà. C'est les économistes, du moins les économistes pédants et péteux, utilisent beaucoup ce mot. Ils parlent de la, voilà, de la glocalité, c'est-à-dire qu'il y a un facteur global, mais il y a aussi des facteurs locaux. Et je pense que Internet ressemble beaucoup à, enfin, est très proche de ce terme. C'est-à-dire qu'il y a une tendance sur Internet, il y a toujours des tendances. Aujourd'hui, la tendance, c'est ce qu'on appelle la tendance 2.0, alors que personne ne sait ce que c'est vraiment. La tendance sociale, vous savez, vous dites social plus vidéo, et ben là, tout le monde investit chez vous. Donc voilà, ça, ce sont des tendances. Et donc, ces tendances vont créer un certain dynamisme et beaucoup de gens vont suivre. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a une tendance qu'on est obligé de faire exactement comme son voisin. Donc, tant que ça sera comme ça, alors je pense qu'Internet garantit une certaine liberté. C'est-à-dire que, donc je ne sais pas comment il s'appelle Tadei, là, il fait un site où on peut débattre, mais il faut avoir ses identifiants e-live, Facebook. Mais de l'autre côté, on a des services comme e-live où bah, vous venez, vous mettez le nom que vous voulez et vous pouvez lancer un débat comme ce qu'on est en train de faire. Donc tant qu'il y aura des options, tant qu'il y aura d'autres portes, d'autres voies, alors Internet pourrait garantir une certaine liberté. Et c'est pour ça qu'il faut se battre contre toutes les lois des différents gouvernements qui ne font pas de la glocalité, mais font de la globalité. Avec des lois comme Hadopi, avec des lois comme la SOPA, ce sont des choses ce sont ces lois-là, qui, elles, peuvent détruire la liberté. Non, mais je suis d'accord. Mais par rapport à En tout Anonymous, cas, ouais. non, c'est bon, je ne vais pas Vas-y, vas-y. rebondir là-dessus, mais tu disais justement que tu Vas-y. soutenais La biche. l'idéologie d'Anonymous, comme quoi, ben voilà, il luttait contre ces lois, mais est-ce qu'au final, il ne pose pas plus de problèmes qu'autre chose? Quand je vois les événements du PSN il y a 6 mois, bah ça, ok, peut-être que leurs intentions étaient louables, mais ça a aussi restreint beaucoup de personnes, finalement. Je pense que ce débat-là ne vise pas seulement Internet. C'est un débat très large qui vise toutes les révolutions. Si on revient, la révolution, de manière par son essence, est violente. Regardez toutes les révolutions qui sont faites dans les pays, que ce soit la révolution culturelle en Chine, avec qui nous carrément envoyé des tanks, ou que ce soit la révolution française, ou l'indépendance américaine, il y a toujours eu une violence. Il y a toujours ce qu'on appelle bah, des dommages collatéraux. Et effectivement, ce n'est pas parfait. Mais je pense que l'autre question à se poser, c'est et si on arrête de se battre, qu'est-ce que on aura? Ça veut dire que d'un côté, si on se bat tout le temps, non, ce n'est pas bon. Oui, il y aura des dommages collatéraux. Quand Anonymous font chier Sony, ça plante ma PSN, alors que je voulais télécharger un jeu, alors que je voulais jouer à FIFA 11 à l'époque, je peux pas parce qu'il y a Anonymous qui font des conneries, ça me fait chier. Alors que je n'ai rien fait. Et pourtant, je défends les idées d'Anonymous. Mais d'un autre côté, s'il n'y a plus d'Anonymous, s'il n'y a plus personne dans ce monde, il n'y a plus de hackers, il n'y a plus de freakers, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Internet, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existera plus. Et à choisir, je préfère avoir des dommages collatéraux, avoir des gens qui vont lutter, qui vont se battre, parce que pour moi, ça garantit quelque chose qui est une idée qui est supérieure, une idée plus importante, qui est la liberté. Non, mais je suis d'accord, même si je trouve que bon, le procédé est assez extrême, mais globalement, dans l'idéal me convient. En même temps, Ouais. Anonymous, ils ont tué Ah non, personne, ils ont quoi. tué personne, on est d'accord. C'est pas comme le gouvernement syrien Non, ou mais comme les c'est pas. États-Unis en Irak ou enfin voilà quoi, ils ont tué personne. Hein. Ils ont juste empêché des gens de se connecter à un service pour jouer en réseau ou pour payer et télécharger des jeux. Oui, Enfin voilà quoi, c'est. Non, mais c'est. je pense qu'il ne faut pas se réfléchir toujours avec la notion de tuer, de mourir ou vivre. Je pense qu'aujourd'hui, surtout sur Internet, le facteur en question, ce n'est pas non seulement la vie ou la mort, c'est aussi tous les facteurs économiques. Ça veut dire que il faut se rendre compte que lorsque Anonymous fait chier un gros site, je ne sais pas, comme Visa ou Mastercard, ce sont. Ok, on peut dire que l'entreprise, on l'aime pas, on peut dire que la marque, on l'aime pas. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a aussi des humains qui sont derrière. Ça veut dire qu'il y a des innocents qui n'ont rien fait, qui sont même peut-être d'accord avec nos idées, qui sont peut-être même d'accord avec les idées d'Anonymous de manière profonde, mais qui travaillent dans ces entreprises. Et peut-être à cause d'Anonymous, ces personnes-là vont se retrouver sur le carreau. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des dommages collatéraux. Et quand je parle de dommages collatéraux, c'est son éclat, c'est ces mecs-là. Connaissant la méthode de travail japonaise, ayant travaillé même moi-même au Japon, je peux vous garantir que lorsqu'un PSN a pété, les gens qui travaillent sur la PSN, ils s'en ont pris des cakes. Et t'inquiète pas qu'ils n'ont pas vu leurs femmes, leurs enfants pendant des semaines parce qu'ils devaient bosser. Ces gens-là, est-ce que ce sont eux les méchants de l'histoire? Non. Non. Ils n'ont rien fait. Ce sont des innocents. Ce sont des travailleurs. Ils ne sont pas à la CGT parce qu'on n'est pas en France, mais voilà, ce sont des travailleurs comme nous et vous. Voyez? Donc, il y a des dommages collatéraux. Il faut qu'on y pense. Donc, Anonymous, ils sont clairement pas parfaits. Ils ont clairement détruit, peut-être pas des vies, ils n'allons pas jusqu'à là, mais ils ont clairement détruit du moins la carrière de certains, les carrières des personnes. Ils ont peut-être fait plus de mal que ça. Mais pour moi, encore une fois, je réfléchis sur le très long terme. Et sur le très long terme, cette vision, pour moi, est plus importante. La liberté est plus importante. Donc, pour garantir cette liberté, pour moi, nous devons nous battre, nous devons lutter pour notre liberté. Chaque jour, chaque seconde, il faut. Et c'est mon point de vue. D'ailleurs, c'est pour cette même raison que eLive n'est toujours pas synchronisé avec Dailymotion, parce que nous ne sommes pas d'accord avec leur vision de la liberté. C'est aussi pour ça que aujourd'hui, eLive ne permet pas de faire certaines features, parce qu'on pense que ça limite la liberté. C'est pour cette même raison que eLive ne demande pas votre vrai nom de famille, etc., dans tous les sens, alors qu'avec ces données-là, on pourrait faire plein de fric. Voilà, c'est parce que pour nous, la liberté est plus importante. Oh, j'ai rien d'autre à rajouter. Bon, bah, en tout cas, voilà, superbe intervention de MK qui va, à mon avis, clore cette Tira émission qui en d'enflammer, est on va aussi dire. déjà à 2 heures. Et je remercie, bien entendu, en plus, voilà, vous avez vu que sur Live aussi, la possibilité était réelle de pouvoir rejoindre comme ça, en temps réel, assez rapidement pour exprimer son avis à l'antenne. Et puis ça aussi effectivement, on va dire donner la parole aux gens comme ça. Voilà, je veux aussi faire en sorte que ce soit connu aussi à travers le net et éventuellement grâce à cette émission. Donc voilà, on l'espère. Alors on va maintenant déjà saluer le camarade Adelazi, Ah, je crois d'accord, qui qu'il y a Rabé qui a une connexion en mousse, non? C'est parce que j'entends les autres tout à assez bien. fait. Ouais, non, en fait, non, non. Je Ça suis me rappelle censuré déjà, tu vois. les Tu débats comprends? d'il y a 8 mois ou je sais plus quand. Bon, Et bah en tout désolé cas, voilà, bah. Rabé de te couper, On mais en fait t'entend plus. on t'entend plus, t'as une connexion vraiment Voilà. en mousse. Mais non, Donc c'est pas vrai. bon, d'ailleurs Et donc. je profite juste de ce cast pour faire un peu de pub. Comme vous avez vu, enfin. Je pense que vous l'avez remarqué aussi bien que nous, hein, on n'est pas des grands savants non plus. Nous avons remarqué qu'il y a de plus en plus de débats sur eLive. Et finalement, eLive est quand même un bon outil pour parler. Et lorsqu'on parle, souvent on lance des débats, que ce soit des débats très profonds ou des débats sur Senseiya ou Olivier Tom. Et donc on s'est dit que comme il y a beaucoup de plus en plus de débats, on va pour les prochaines e-packs, donc les e-live packs, nous allons sortir de nouvelles features pour aiguiller les débats. Donc dans les mois à venir, vous aurez sûrement de nouvelles features comme le call-in ou la possibilité de partager les playlists, etc. pour justement continuer à faire de plus en plus de débats. Voilà, donc ça c'était ma pub et moi je vais vous laisser parce que dans à peu près 5 minutes j'ai mon cast sur la bouffe qui va commencer. Voilà, salut tout le monde, merci beaucoup, merci Master Bon Panda, appétit. merci Pedro Bert, merci Rabé et merci à tout le public. Ciao ciao! Ciao. Salut. Voilà, bah en tout cas, tac. Si vous voulez, voilà, j'espère que tous les intervenants, toutes les personnes, tous les forumers qui ont été Ça cités finit. dans cette émission seront satisfaits. D'accord? Vous avez ici donc le Twitter de l'émission pour ceux qui veulent à peu près savoir ce qui se passe en direct. Donc arrobase, enfin bon, là, je vais en fait d'abord faire un truc un peu plus guaqué. Et ensuite, je pose la question justement pendant ce temps à Pedro Bert, à Master Panda, à la biche, Et bah, éventuellement, est-ce que vous avez un site dont vous aimeriez parler avant que l'antenne ne se coupe? Quelque chose que vous Pas souhaiteriez particulièrement, non. défendre? Voilà. D'accord, bon, en tout cas, rien de la part de Pedro Robert. Est-ce que la biche est plus inspirée, éventuellement? De La tête, un biche ne site. répond pas. Si. Si, hein, je suis là. Non, non, j'ai rien qui me vient en tête, en fait. Un site sur D'accord, la chasse, quelque chose. c'est vrai qu'on parle de liberté, de défense d'Internet, etc. De tout ce que d'accès à la culture, au savoir. Et finalement, Exactement. sur les sur les, je sais pas, les 2 milliards de sites web, voilà, qui existent, vous n'en avez aucun à défendre éventuellement. Si, mais disons que j'ai bien quelques sites en tête, mais je suis pas sûr que ça soit pertinent par rapport à notre débat, vu que bon, Mais non, non, ça non, ça pourrait n'a être rien à voir intéressant. avec le débat, hein. C'est juste, bah voilà, c'est juste effectivement parce que il y a des gens, il y a un public, donc si tu souhaites, voilà, défendre quelques sites, tu peux y aller. Un site ou deux, il n'y a pas de souci. Fais ta propagande. Ça est difficile, hein, mais non, là il n'y a vraiment rien qui me vient en tête. Je dirais peut-être Behance Network, qui est un site assez sympa où on peut retrouver énormément d'artistes qui justement s'expriment à travers leurs travaux, mais sinon, à part ça, je Oui. n'ai pas vraiment de site en tête. D'accord. Bon, en tout cas, il n'y a pas de souci. Ben, je remercie tous les Je intervenants, relis toutes les aussi. personnes. Et moi, j'ai pas Oui. dit mon site. Non, moi, juste comme je suis pas mal sur ce site en ce moment, je vais juste défendre 911 Tabs, voilà, qui propose des tablatures de guitare et qui, justement, avec la loi SOPA, bah, s'il faut, ça pourra plus être disponible parce qu'ils proposent des tablatures de musique, enfin d'œuvres privées. Voilà, donc Est-ce que tu peux si vous êtes épeler guitariste, ce pianiste, nom? batteur, bah, Est-ce que 911 tu peux Tabs, épeler? comme 911 Tabs, quoi. 911 D'accord. Et Tabs, toi, Tabs. la Ah biche, oui, est-ce vous que tu voulez pourrais écouter? épeler aussi? Parce que ce cast, en fait, va Alors être écouté en je. MP3 aussi. Ah ok, mais je voulais juste rajouter un autre site que j'avais carrément oublié et qui me paraît essentiel. C'est Ouais. musicaludi.fr. C'est un site qui est assez récent, qui est à peu près moins d'un an, et qui traite justement de l'actualité et de l'actualité de la musique de jeux vidéo, qui est vraiment très très stigmatisée en France en général. Et surtout, bah voilà, il y a Oui. vraiment très très peu de sites en Europe qui traitent de l'actualité du jeu vidéo et qui parlent de la musique de jeux vidéo comme on devrait en parler, c'est-à-dire correctement, d'une façon qui n'est pas effacée. Et voilà, c'est un très bon site et je le recommande à beaucoup de personnes. Si tu veux, je peux l'épeler, je peux te D'accord. l'envoyer. Bah vas-y, bah en fait, épelle-le parce que ce sera aussi en version MP3, donc les gens ne pourront pas avoir accès à l'écran Ah à ok ce moment-là. d'accord, alors musicaludi.fr. Voilà. En tout cas, ben, je remercie tout le monde, je remercie les forumers, les intervenants, les spectateurs, et ben, à ciao. Donc, comme je l'expliquais, hein, le Twitter de l'émission Complément d'Objet Direct, si vous voulez connaître les prochains horaires, si vous voulez savoir à peu près, c'est un Twitter, hein, qui est vraiment bien fourni. Il y a environ une trentaine de tweets par jour qui parlent vraiment de, voilà, de différents faits d'actualité qui mènent vers parfois des dossiers, des documents techniques, des interviews, ce genre de choses. Donc voilà, et retrouvez tout ça là-dessus, et ça vous permettra aussi d'être en contact beaucoup plus rapide pour savoir exactement voilà ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Allez, ben je vous salue, ciao, bonne soirée, bonne année 2012, puisque c'est la première émission de l'année 2012. Et ben voilà, bon courage à vous, ciao. Ciao, Merci à ciao, à toi. bientôt. Ciao tout le monde.